Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. C'est le 17 octobre. Bonjour tout le monde, comment ça va bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur Fun Radio, toute l'équipe de Bruno dans la radio va arriver là chez vous dans quelques secondes. Ça va bien tout le monde, bien réveillé? Oui. Elliot parle comme Julien Lepers, hein, vous l'avez vu. Ah oui. De Parakeet pour attaquer l'émission dans quelques secondes. Save me. Sean Frank vers 6h15 avec Let You Get Away. Et Sound of Legend avant l'ennemi, c'est le programme de la demi-heure là qui arrive sur Fun Radio. Et puis le tout ou gagné, tout ou perdu. Côté cadeau, là, ça va arriver dans moins de 10 minutes. Vous appelez maintenant le 3228. A gagné ce matin, écran LED 32 pouces, casque Bose d'une valeur de 249 euros, Bluetooth, d'accord. Ouais. Montre connectée, Micronos Zephyr 2. Ça, c'est si vous faites du sport. Et la compile Bruno dans la radio. Ça se gagne là dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. On arrive chez vous après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Le point sur l'actu de ce lundi, c'est le 17 octobre. Les infos tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Un temps pas terrible du tout aujourd'hui. Du sud-ouest au nord-est avec des nuages, de la pluie, quelques orages. Un ciel incertain pour le nord-ouest avec quelques éclaircies mais encore des averses. Il fait plutôt doux ce matin, 9 à 14 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 15 à Dunkerque, 16 à Quimper et Lyon, 17 à Paris, 18 à Orléans et Bordeaux, 19 à Tarbes, 22 degrés pour Ajaccio. François Hollande à Florange, le président se rend en Lorraine aujourd'hui pour dire aux salariés du groupe ArcelorMittal qu'il a respecté ses engagements, à savoir sauver le site et éviter un plan social. Les 650 salariés qui travaillaient sur le haut fourneau ont été reclassés sur place et aucun n'a été licencié. Que s'est-il passé à Angers samedi soir? Un balcon s'est effondré, provoquant 4 morts et 14 blessés lors d'une pendaison de crémaillère. Une enquête judiciaire pour homicide et blessures involontaires a été ouverte. Christophe Béchu, maire de la ville, a annoncé des expertises immédiates pour déceler d'éventuelles malfaçons. En Irak, l'offensive pour libérer la ville de Mossoul a débuté tôt ce matin, selon le premier ministre irakien. La bataille contre Daesh pourrait durer plusieurs mois. L'impact humanitaire est énorme. 1 million de civils pourraient être affectés. Il ne voulait pas louper le match de foot entre Nancy et le PSG. Un facteur de la commune de Merville en Lorraine a jeté samedi plus de 300 lettres de courrier pour ne pas rater le coup d'envoi de la rencontre. Il s'agissait d'un jeune intérimaire engagé en début de semaine. Il sera jugé le 16 avril. Et puis sur les terrains, l'ère Louis-Dreyfus se termine par une victoire à Marseille. L'OM s'est imposé hier soir 1-0 contre Metz en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Le club passera officiellement aujourd'hui aux mains de l'Américain Franck McCourt. Dans les autres match du dimanche, un but partout entre Rennes et Bordeaux. Même score pour Saint-Étienne face à Dijon. 6h02, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno. Fun Radio. Lundi, c'est le 17 octobre et c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h02. Bonjour! Et bienvenue la famille, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là. On fait l'appel, il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Comment ça s'est passé ce petit dîner de 7 ans? J'ai vu les photos qui ont fuité sur le net. C'était très très bien, franchement on a passé un super moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une bonne soirée comme ça. C'était quoi comme restaurant? C'était le Cambodia. C'était le premier restaurant dans lequel on a dîné quand on s'est rencontrés. Voilà. C'est beau. C'était la surprise. Moi, ça m'a fait plaisir d'y retourner. Vous avez fait un câlin après ou pas? Non. Ne parle pas de sujet qui fâche, Bruno. Oh. Non, vraiment, je n'en pouvais plus, j'étais morte. Je crois que le truc le plus chaud qui se passe dans le couple de Christina en ce moment, c'est quand ils se font une accolade. Mais c'était bien. C'est la différence avec le premier restaurant et celui des 7 ans. Ça, c'est forcément la différence. Comment ça va, mon vaché? Ça va, tranquille. Deuxième week-end avec Georges à la maison. Ouais, avec un bébé. Je me rends compte que donc, quand tu as un bébé à la maison, tu dors encore moins le week-end que la semaine. C'est un principe. Voilà. Donc, c'est sympa. Alors, il y a juste un truc que je voudrais dire aux gens qui veulent faire un enfant. C'est qu'attention, c'est quand même super, mais c'est quand même super, super, super dur. C'est-à-dire que moi, j'ai tweeté à un moment, je sais pas quelle heure il était, genre ouais, les nuits blanches et tout. Et il y a des parents qui m'ont envoyé des messages en disant bah ouais, mais les 4 premiers mois, c'est le plus horrible. Mais oui, mais ça, fallait me le dire avant de faire que je fasse un enfant. Ça, on t'avait prévenu. Mais non, on m'avait pas dit. Ou alors moi, je t'avais prévenu, même pendant les rapports, j'étais là, je filmais. Ah donc, bon Comment ça va, Elliot? Ah, ça va. Moi, j'ai été faire un tour du côté du Havre, chez les beaux-parents. Eh oui. Oh non. Ah, le Havre. Ah. Le mec, il est célibataire, sans enfant. Il peut se faire kiffer sa vie. Il va au Havre. Mais j'avais prévu le coup. Je suis allé que samedi. Donc, je suis sorti vendredi soir. Ouais. Je me suis mis une charge. Comme ça, samedi, je suis pas sorti au Havre. J'ai dit à ma copine, on reste ce soir. Je me suis couché. Il était 21h30. Oh, ah, gros merde. Non, mais et toi, Bruno, ton week-end? Écoute, moi, j'ai bossé samedi. Et hier, j'ai rien foutu. Voilà, comme c'est ça, bien tu vois. J'ai essayé, j'ai essayé le casque de réalité virtuelle de Sony. Ah, PlayStation VR. Ouais. Voilà, exactement. Parce que PlayStation m'a offert un casque avec les jeux à télécharger. Ouais. Et donc, alors, j'ai essayé la démo. Et là, les jeux, j'ai hâte. Donc, avec ma connexion Internet, normalement, ce matin, j'ai regardé. Ouais. Il me restait 137 heures. Ok, cool. Avant de jouer. Donc, vous dire que j'ai hâte, hein, vraiment. Et vive la connexion au débit. Allez, comme chaque matin, l'émission est dédiée à un auditeur de Fun Radio, on l'applaudit, c'est Adrien ce matin, il a 22 ans, il est à Malakoff. Salut Adrien. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Malakoff, on est dans les Hauts-de-Seine, département 92. Ça va mon pote, tu fais quoi dans la vie? Je suis en BTS en aéronautique. D'accord, tu bosses ce matin ou pas? Non, je suis en cours ce matin. En cours ce matin, oui c'est ce que je voulais dire quand je dis tu bosses, t'as cours quoi? Je suis en alternance donc ça dépend en fait. D'accord, donc ce matin t'as cours? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. On va y arriver. Adrien, jusqu'à 9h15, t'es le taulier, c'est ton émission ce matin, d'accord? Ok, pas de soucis. T'as la ligne directe du standard, tu peux venir quand tu veux, tu peux jouer quand tu veux. Et puis là, surtout, tu peux poser la question à un des membres de l'équipe. On lance l'émission avec ça, c'est la question du jour. C'est à qui ce matin? Alors, je voudrais poser une question à Christina. Ah oui, je t'écoute. Alors, j'ai vu sur Facebook, tu as publié une photo avec Mathudi. Alors, je voudrais savoir comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il est sympa, enfin voilà. Ah oui, parce que donc pour ceux qui n'ont pas vu, on poste nos photos du week-end chaque dimanche soir. Oui. Et donc j'ai posté une photo avec Blaise Matuidi. Qu'est-ce que tu foutais avec Blaise Matuidi? Et bah parce qu'hier il y avait la Danone Nations Cup, c'était la finale mondiale au Stade de France, c'est l'Allemagne qui a gagné. Et donc lui il était ambassadeur de cet événement, le grand patron c'est Zizou mais il n'était pas là. Et donc l'ambassadeur c'était Blaise Matuidi. Et il y avait des auditeurs de Fun Radio qui avaient joué sur funradio.fr qui avaient gagné leur rencontre. Ils étaient tout petits, c'était Loomis et Mustapha. Ouais. Ils avaient entre 10 et 12 ans tous les deux et cool. Honnêtement, c'était le plus beau jour de leur vie. Et alors, ils ont été servis parce que Blaise Matuidi est adorable, exactement l'image que tu t'en fais quand tu le regardes à la télé. Et je te jure, j'ai jamais vu, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des enfants comme ça avec les yeux qui brillent. Tu sais, on a tous eu ce plus beau jour dans notre vie quand on était petit. Un truc tout bête, soit ça peut être une star que tu rencontres, un jouet que tu as, mais tu sais, ces yeux-là, c'était magnifique. Ouais, moi, c'était quand mon papy m'a fait sortir de la cave. C'est comme ça à l'extérieur. Wow, donc, il est très sympa. Adrien, est-ce que t'as déjà rencontré une star, toi? Oui, on va dire ça. C'était qui? Un humoriste, je l'ai rencontré dans Paris, c'est Olivier Debenois. Ah oui, je vois très bien, avec un mec cool aussi. Oui, très Olivier cool, mais Benoît. C'était peut-être pas le plus beau jour de ta vie non plus. C'est quoi? On peut lancer un sujet sur le plus beau jour de la vie. Bah, et si les fans d'Olivier de Benoît, oui. Peut-être. Oui, peut-être. Est-ce que vous vous souvenez, quand par exemple vous avez rencontré une star dont vous étiez fan, d'accord? Mais ça peut être aussi un cadeau que vous vouliez absolument. Un truc, tu sais, quand le truc est arrivé, tu t'es dit, putain, je suis refait pour 23 générations. Et ben, on peut en parler. Tiens, c'est un bon sujet, ça, pour attaquer la matinée. Oui, Elliot? Moi, un jour, quand j'étais petit, mon père, il m'a ramené des cartes dédicacées, des To Be Free et des Spice Girls. Waouh! Wow. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était des trucs déjà signés, pré-imprimés. Ouais. J'ai eu du même arnaqué. Adrien! Oui. On te fait des bisous, mon pote. Merci, bonne journée à vous. Bisous, ciao, ciao. Chou. Bisous. Venez nous dire, voilà, le plus beau jour de votre vie. Vous avez rencontré la star de vos rêves, ou alors un cadeau dont vous rêviez. Bah, on peut en parler. Voilà, 32-28, on fait de la radio ensemble ce matin. Et puis on va jouer la Sur Fun après les Parakeets. Bonjour. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Bruno Fun Radio, il y a Sepp Popoy, gentil Sepp Popoy. Il fait ma plus belle rencontre, avoir vu et discuté avec Bruno Guillon à la soirée Bruno dans ton club pour mon anniversaire. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, Sepp, on avait dit des stars, hein, par contre. Ouais, et on parle de vos souvenirs quand vous étiez petit, surtout. Ah. Mais oui, ou un truc qui vous a vraiment marqué, voilà, ou un cadeau qui vous a vraiment marqué. Le truc où vous vous êtes dit, je suis refait, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça peut être un truc avec une star ou pas, parce que moi, un des plus beaux jours de ma vie, c'est tous les profs faisaient grève, j'avais pas école le lendemain. Je me souviens, j'étais dans mon bain, mon père il m'avait préparé des nuggets et je suis sorti, je les ai mangés devant le Big Deal. Et c'est, je sais pas pourquoi, ça restait le plus beau jour de ma vie. Mais tu m'étonnes. Voilà. J'ai mangé des nuggets devant le Big Deal. C'était la vie, ça. Hé, hey, Elliot, ouais. Elliot. Ah oui, je me souviens. C'était trop bien le Big Deal. C'est pour ça que maintenant tu ressembles à Bill. Alors, du Big Deal. C'est du fanatisme. C'est ça. Mon père, pour mon anniversaire, m'avait emmené voir ça. Et juste avant, Mouchou Patamou. Voilà, pour ceux qui connaissent, un jeu où tu prenais des toboggans et tout. Jamais ils ont fait un truc aussi bien à la télé. Comment c'était tu dis que ça s'appelle? Mouchou Patamou. C'est pas Mokchou Patamou? Oh, c'est pareil. C'était présenté par Vincent Perrault. Et je te jure, c'était un jeu avec des dragons. Je me souviens très bien. Jamais il y a eu aussi bien, aussi inventif à la télé. Il était là. Je rappelle. pour les auditeurs qui nous rejoignent là depuis quelques jours, qui font connaissance avec la famille. Le papa d'Eliott est guitariste d'un groupe des années 80, 70, 80, qui s'appelait Trust. Voilà. Voilà. Son père, il joue de la guitare derrière. Et donc, après, il a donné des nuggets à son fils. Tout ce qui excuse, il n'est pas plus de 2 minutes au micro-ondes. Il me le faisait manger. Voilà comment ça marche. Sean Frank, Let You Get Away. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Mais pour l'instant, on joue. Gabin a 23 ans, il habite les Sables d'Olonne. Nous sommes en Vendée. Applaudissements pour Gabin. Salut la famille. Salut Gabin. Comment ça va Gabin? Eh ben ça va bien. Oh, j'aime bien, ça fait vieux prénom. J'ai... Ah, il est là mon Gabin. C'est l'époque de Fernand Reynaud. Je sais même pas ouais, qui c'est. Souvent ça. Vous savez, c'est les trucs de grands-parents, tu sais. Ouais. Quand ils disent le cinéma à l'époque, c'était autre chose, c'était Jean Gabin. Ce qui est extraordinaire, c'est de mettre derrière moi une musique de film où dedans il y a tout sauf Jean Gabin. Je crois qu'il y a Delon et Jean-Paul Belmondo, mais il n'y a jamais eu Jean Gabin dans Borsalino. Gabin, mon pote, 23 ans, tu fais quoi dans la vie? Je fais des saisons en restauration. Ah, c'est génial ça. Donc tu fais été, plage, Vendée, hiver, montagne, non, Pyrénées. Non, je suis revenu chez mon père en Vendée et je repars à la montagne. D'accord, où ça en montagne? À Villa, en Suisse. D'accord, c'est kiffant. Les saisons, c'est un truc, c'est kiffant. Ouais, c'est tu fais l'été bon, et tu bosses comme un ouf, on va pas se mentir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux pécho aussi, quand même. Bon, Gabin, en arrivant sur Fun Radio en direct, tu viens de gagner un écran LED 32 pouces. Je rajoute le casque Bose d'une valeur de 249 €. Il est génial, tu sais, tu peux prendre l'avion avec, c'est les nouveaux casques avec opposition de phase. D'accord. C'est-à-dire que quand tu le mets dans l'avion, ça annule le bouh de l'avion, tu sais, t'es dans une bulle, c'est canon. La montre connectée Micronos The Fit 2, d'accord, et okay. le Bruno dans la radio, la compile, d'accord. D'accord, ok, ça marche, ouais. On y va, ces 4 cadeaux, faut que tu les gardes. Et pour les garder, réponds correctement aux 4 questions que je te pose maintenant, car chaque mauvaise réponse te fera perdre un cadeau. Voici la première. Une étude révèle qu'il faudrait 106 minutes de sexe par jour pour être heureux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, allez. Et c'est une bonne réponse. Il en faut peu pour être juste 106 minutes de sexe. Ouais, bah, pas mal 106 minutes. Ouais, il nous reste énorme. Quoi 106 minutes, hein, encore à complet. À peu près, hein, tous les jours. Tu les as, Gabin, les 106 minutes par jour? Non, je suis loin, là. Déjà, les 106 minutes par an, on galère. Il faut arrêter de nous faire chier. Gabin, tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Le pélican à lunettes, l'oiseau possédant le plus grand bec, a un bec qui atteint une longueur record de 1,20 m. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Ouais, c'est 50 cm, ce qui est déjà pas mal pour le pélican. Tu gardes tous tes cadeaux, troisième question. La pyramide du Louvre a été construite en 1892. Oui, c'est faux, non? Eh non. Alors, il a dit oui, mais c'est faux, non? Non, il a dit c'est faux. Hein. Ouais, il me semble qu'il a dit ouais, c'est faux. Hein. Ouais, alors, attends. C'est faux, ouais, je pense. Eh ben, attends, mais quand je pose la question, la pyramide du Louvre a été construite en 1892, si tu me dis oui. Non, mais je pensais que la question n'était pas finie, c'est pour ça. Mais c'est faux. C'est-à-dire que tu me donnes les deux réponses en même temps, c'est un QCM, je choisis la bonne ou la mauvaise. Bon, allez. On va dire que c'est lundi, on va être gentil avec toi. Oui, c'est faux, ça date merci. De 1988. Pyramide du Louvre. À l'époque, quand ça avait été construit, ça avait été un super, super scandale. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Et parce que les gens oui, trouvaient ils trouvaient que c'était, ça moche. Moche. Ah bon? Ouais, c'était un Chinois, je crois, ou un Japonais. Pay, puis je sais plus comment il s'appelait. Regardez vite fait. C'est la faute des Japonais si on a des musées en France? Quoi? C'est pas un mec connu, genre De Vinci ou un truc qui a créé la pyramide du Louvre? Non, mais le Louvre, oui, mais on parle de la pyramide. C'est pas De Vinci qui a créé le Louvre non plus. Je comprends rien, vas-y, enchaîne. Bon, Gabin, c'est Léo Mingpei. Voilà, c'est bien ce que je dis. Moi, je crois que c'était un truc acheté chez Conforama, ils l'ont mis dessus. Ils sont chiés. Gabin, dernière question. Oui. Dans une journée de 24 heures, il y a 440 000 secondes, c'est vrai ou c'est faux? 24 heures fois. Je vais dire faux. Ouais, c'est une bonne réponse. Il y en a 86 400 et c'est tout gagné. Hein, yes, merci. Ah, c'est cool. Tu repars avec l'écran LED 32 pouces, téléviseur grand format, plus le casque Bose, plus la montre connectée, plus la compil Bruno dans la radio. Oh, c'est génial, oh, merci, vous êtes géniaux, super. On t'envoie ça vite du côté des Sables d'Olonne, d'accord Gabin? Ok, ça marche, merci beaucoup. Belle journée mon pote. Belle journée à vous, merci. Bisous. Sean Franck, vous l'avez découvert chez nous, Let You Get Away, c'est sur Fun Radio. Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. Put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Behind our wandering eyes, illusions always coming untied. While I'm hanging by threads, will I miss out instead on another love? I put up with your cold shoulders. You're going through my texts and numbers as if I got something to cover. Découvert chez nous, Sean Frank, Let You Get Away. Fun Radio, Sound of Legends, ça arrive. Et puis ce matin, invité. Il arrive vers quelle heure? 8h15? Oui. 8h15 pour la dernière heure. Soprano avec nous ce matin. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. On fera un petit live ou pas? Il a prévu de chanter? Bien sûr. Il y a l'album là, Everest, nouvel album de Sopra qui sort avec Fun Radio. Il sera avec nous ce matin, notre poteau Soprano, pour fêter avec lui la victoire de Marseille. Il n'y en a pas si souvent, ça fait plaisir. Allez, 6h21. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h09 on Fun Radio. On a lancé ça ce matin avec l'auditeur du jour, c'était Alban. On a parlé du plus beau jour de notre vie, puisque Christina disait que elle était hier à la Danone's Cup au Stade de France, qu'il y avait Blaise Matuidi et que deux auditeurs à nous qui avaient 12-13 ans l'ont rencontré et que pour eux ça a été leur plus beau jour de leur vie. Ils étaient refaits. Ah mais tu te rends pas compte, ils ont fait un snap après avec lui, mais ce snap je pense qu'ils vont le garder toute leur vie. Mais c'était beau à voir. Bah, et on était dans ce délire là, c'est quoi le truc quand on était petit qui nous a marqué de ouf? Parce qu'après je vois il y a des messages qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio, hashtag Bruno Fun Radio d'ailleurs en top tweet France là depuis 6h10, bravo la famille une nouvelle fois, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un sur Hashtag Bruno Fun Radio qui a dit ouais, c'est quand j'ai appris que j'allais être papa. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est bah des oui. trucs. Bien sûr, moi aussi. Mais on parlait des délires de petits, quoi. Moi, par exemple, le plus beau jour de ma vie quand j'étais petite, c'est quand je suis allée pour la première fois au camping. Honnêtement, c'était mais le plus beau jour de ma vie. On était dans un mobilhome, c'était génial. Il y avait un auvent, on faisait des barbecues et j'allais jouer avec les enfants à côté. C'était génial. Marion a 20 ans, elle est à Montpellier. Bonjour Marion. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Bonjour. Ton salut. Plus beau jour de ta vie, toi, quand t'étais petite et tu t'es dit ça y est, je suis refaite, c'était quoi? Alors moi, c'est quand ma mère m'a acheté un lapin. J'y croyais pas. Et après, quand elle te l'a cuisiné. Oh. Il s'appelait comment ton petit lapin? Il s'appelait Lapinou. Ah, bien sûr. Oui. On est toujours, ouais, bah, toujours. Quand on est petit, on est original au niveau des noms. Tu sais que moi, mon fils Anatole, qui a 8 ans, son premier, il a eu un gros chien en plus qu'il a toujours. C'est comment il s'appelle? Je vous l'ai déjà dit, ouais. Non. Et c'est lui qui a le nom, il s'appelle Pétard. Pétard. Ouais. C'est bizarre. Et pourtant, s'est inspiré de quoi? Je ne sais pas. Pas de ce que tu penses. Marion, on t'embrasse, toi et la pinou. Oh, bisous. Ciao, ciao, ma belle. C'était quoi, toi, Vaché? Moi, c'est... Alors, je m'en souviens très bien. J'étais en CE2. J'étais à l'école de Grésillac et on rentrait d'une sortie scolaire. Et dans le bus, j'étais assis à côté de Manon et j'étais amoureux de Manon. Ah ouais. Et je lui avais dit le matin même, mais il s'était rien passé. Et dans le bus, je me suis dit, il faut qu'il se passe un truc avant qu'on arrive à l'école. Et plus on approchait de l'école, plus le stress montait. J'ai posé ma main à côté sur le siège, tu vois. Elle aussi, elle l'a posée à côté. Et centimètre par centimètre, nos mains se sont rapprochées. Et c'est ce moment où je lui ai saisi la main. On s'est tenus tous les deux la main. Et je vous jure, j'arrivais plus à respirer. J'avais des papillons. Je te jure, la tête qui tournait, c'était mais. C'est trop mignon. Mais j'ai ressenti le désir, quoi. Mais bon, c'était pas du désir de. Oui, bah, j'imagine. Clément, 28 ans, il est à Nice. Bonjour Clément. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut mon pote. Le truc où t'as été refait petit, tu t'es dit, ah ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. C'était quoi? Ah ben, c'était quand j'étais tout petit. J'ai commandé pendant 3 années de suite au Papa Noël le fameux circuit électrique. Et quand j'ai enfin reçu ce petit circuit électrique, j'étais refait. Je l'ai poncé. J'ai pas arrêté d'y jouer, quoi. Ouais, moi j'en ai eu un aussi petit, un circuit électrique. C'était une galère dans un des virages. Même si t'allais pas vite, les voitures, elles sortaient dans le virage. Ah ouais, moi aussi j'ai eu ça, c'est pourri, quoi. Ça m'a rendu ouf, je te jure, ça m'a rendu ouf. C'était chiant. Bah, et moi, donc, j'avais même le petit phare qui s'allumait et tout, donc je jouais dans la nuit, c'était excellent, quoi. Ouais, non, mais moi, ça m'a angoissé. J'ai très vite arrêté, j'étais très déçu. Nous, Bruno, on devait avoir la version low cost. C'est celle que t'as acheté chez Leclerc. Bien sûr, ouais. Voilà, les voitures avançaient un coup sur deux, parce qu'il y en a une des deux qui marchait pas. La rouge, elle marchait, la blanche, elle marchait pas. Par contre, fallait pas faire les virages. Ouais. Ouais, Clément, et en plus, lui, il y a les phares qui s'allumaient, moi, il s'allumait pas sur la mienne. Je te fais des bisous, mon pote. Moi, j'avais le même circuit électrique, mais il fallait être intelligent. J'avais construit des rigoles avec des trucs d'allumettes. J'avais déplacé le bout, j'avais arraché le bout de carton, et je l'avais collé à la super glue et j'en avais mis dans le circuit imprimé, du coup je l'ai niqué. Ah. Et il a brûlé l'appartement avec le chauffement de l'électricité et tout ça, ça fout une feu à la baraque. 6h25, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille, on aura le chiffre du jour, là ça va arriver dans quelques secondes, chiffre du jour comme chaque matin, 6h30. Et alors, j'ai une question à vous poser. À votre avis, que vont oublier 20% des gens qui nous écoutent là aujourd'hui? Que vont oublier 20% des gens qui nous écoutent aujourd'hui? Et ça peut marcher pour vous. 32-28. On fait de la radio ensemble, c'est Sound of Legend tout de suite. Vous restez sur Fun Radio dans quelques secondes, il y aura Sopra. Chiffre du jour, ça arrive dans quelques secondes. À votre avis, que vont oublier 20% d'entre nous aujourd'hui? J'attends vos réponses. Chiffre du jour, la 20%, c'est le chiffre de ce matin. Il y aura Stack Noël également avec Trompettes. Et puis j'aurai 1000 euros cash à vous filer aujourd'hui. Et je tiens à vous dire qu'on va vous les filer avant 7h30. J'ai envie. Vous écoutez Fun Radio, on revient après les news. Fun Radio, DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre, avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est déjà l'automne. C'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi. Le Made in Italy. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feuvert, vous n'avez plus que 6 jours pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feuvert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bougez pas, Bruno! Hashtag Bruno Fun Radio, on est là sur Twitter les amis, le compte Snapchat de l'émission c'est Bruno Fun Radio et la page facebook.com/Bruno dans la radio. Vous balancez vos messages, on les lit pendant la matinée, on va revenir juste après les news. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce lundi, c'est le 17 octobre. Deux minutes d'info avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Salut Bruno, bonjour à tous et bienvenue sur Fun Radio. On commence par la météo de ce lundi. Un temps nuageux, pluvieux avec quelques orages un peu partout. Les régions du nord-ouest resteront tout de même à l'écart avec quelques éclaircies. Il fait 9 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi est prévoyé 15 à 22 du nord au sud. François Hollande se rend en Moselle aujourd'hui. Le président rencontrera les salariés d'ArcelorMittal à Florange. Il va leur dire qu'il a respecté ses engagements tenus lors de sa campagne en 2012, à savoir sauver le site et éviter un plan social. Dernier jour pour payer votre taxe foncière. Si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu'à ce soir pour régler la somme sous peine de pénalité. 5 jours de plus vous sont accordés si vous avez opté pour le paiement en ligne. 750 000 chauffards conduisent sans assurance. Pour lutter contre l'insécurité routière, la France va lister et punir ses conducteurs. Un fichier verra le jour avant fin 2018. Les policiers pourront scanner les plaques d'immatriculation et découvrir en temps réel si l'automobiliste est assuré. Les personnes en infraction seront contactées pour se mettre en règle. Le foot, hier avait lieu la Danone Nation Cup au Stade de France avec Fun Radio. C'est la Coupe du Monde de foot des 10-12 ans. Matuidi est l'ambassadeur de la France, le joueur du PSG livre quelques conseils aux jeunes footballeurs. D'abord de prendre du plaisir, je pense que le football c'est avant tout un plaisir. La plupart des enfants à cet âge-là, ils sont déjà des grands compétiteurs, donc voilà, respecter l'adversaire, respecter ses coéquipiers et puis si on est passionné, se donner les moyens d'y arriver, de travailler. Même si on peut avoir du talent, sans le travail, on n'est rien. La France qui a été éliminée par le Japon en huitième de finale. Les Japonais, eux, qui se sont inclinés en finale contre l'Allemagne. Et puis sur les terrains de Ligue 1, victoire de Marseille hier soir 1-0 contre Metz lors de la 9e journée de championnat. Bon réveil avec Bruno. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bon réveil la famille, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 17 octobre. Dans la demi-heure qui arrive, il y aura Soprano. Sac Noël. Avec Sean Paul, Trompettes aux alentours de 7h moins le quart. On va voyager là à 7h moins le quart, on a Around the World qui se prépare. Et puis Calvin Harris. Around the World, vous le savez, c'est un auditeur de Fun Radio qui nous appelle d'où il habite. Et bien entendu, d'où il habite, c'est loin. C'est un endroit qu'on ne connaît pas. Genre Poitiers, un truc qui fait un peu peur. Et là, putain, et c'est une destination de rêve. C'est une destination. L'endroit où, d'où on va l'avoir au téléphone, c'est le truc, tu dis waouh, putain, j'aimerais y aller en vacances. C'est vrai? Ouais, exactement. Un vrai truc de rêve, image de carte postale et tout ça. Avec la plage de sable fin, les palmiers et tout. Ah non, avec une usine qui jette du fioul sur ta serviette, un truc de rêve, quoi, tu vois, vraiment. Ça va arriver là, dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio, pour l'instant, chiffre du jour. Et bon, c'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce lundi 17 octobre. Aujourd'hui, 20% d'entre nous vont oublier quelque chose. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je l'ai mis sur Twitter. La taxe foncière. Faites gaffe aujourd'hui. Pour ceux qui la payent, hein, c'est aujourd'hui. Ah, mais c'est le truc des gens qui sont propriétaires, ouais, ça. Ouais, ouais, ça nous concerne pas. On s'en fout. Problème de riche. Non, parce que tu t'achètes une maison, que t'es riche. Bah, un peu quand même. Maintenant, il y a un crédit maintenant. Ouais, t'es endetté, pardon. T'es pas riche. Endetté, ouais. Endetté, juste. Sur 30 ans. Ouais, c'est ça. Sur 35, quand même. Problème des gens endettés. Bon, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Tiens, on a Sébastien qui a appelé, il est à Marseille, dans le 33. Bonjour Sébastien. Ah, c'est pas dans le 33, Bruno, c'est dans le 17. Salut. Alors, première erreur du jour. Alors, bon, attends, il y a Luzman qui est en train de faire. Ah ouais, bah d'accord, ok, il a changé l'adresse. Non, j'ai pas changé l'adresse. Allez, Luzman, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, l'excuse de Luzman du standard. Merdé, c'est moi qui ai merdé, je me suis embourbé dans les fiches. Ah, bah il y en a beaucoup. Hein. Ah, donc ça veut dire que l'autre auditeur, alors visiblement, doit être du 33. Pas du Bonjour Laetitia. Laetitia, t'appelles d'où toi? De Paris. Ah ben voilà. Donc il semble dans des fiches qu'il n'a pas. C'est pas très grave. Et franchement, la Gironde et la Charente-Maritime. C'est à côté. C'est collé. Ça va. On est voisins. On est voisins. Aurélien, on n'est pas à ça près. Ouais. Bon, Sébastien, mon pote, d'après toi, on va être 20% oublié quelque chose aujourd'hui. C'est quoi? Ce qu'on a fait dans le week-end. Bah non. Moi, en général, j'oublie ce que j'ai fait dans le week-end, pour peu que j'ai fait la teuf. Ouais, Dimanche, mais le lundi, t'as l'esprit un peu plus, ouvert, et au final, tu te souviens pas quand même. Mais attention, ça peut s'appeler Alzheimer aussi, ça, Sébastien. Non, pas. Si tu commences à pas te souvenir de ce que t'as fait hier, c'est compliqué. T'as fait quoi ce week-end, Sébastien? J'étais avec ma petite femme, on était faire une petite balade sur la plage et bon, on a fait quelques petits trucs gentiment. Ouais, petite femme, petite balade, petit truc. Je vais pas faire de dessin, je pense. D'accord, on a bien compris. On a bien compris. Et c'était petit aussi ou pas? Bon, Sébastien, on t'embrasse. 20% des gens vont oublier quelque chose aujourd'hui. C'est pas oublier ce qu'on a mangé la veille. À chaque fois, moi, je zappe. T'as mangé quoi hier soir? Des pâtes. Ouais, moi, t'as eu le temps de réfléchir. Non, en même temps, c'est pas le plat que, le plus ouf du monde. Il faut t'en souvenir des pâtes. Hein. Pas la question la plus dingue du monde non plus. Tu vois, et là, tout le monde se dit putain, Bruno Guillon mange des pâtes. Ben, ça va, lui, la vie, tranquille. Et non, les gens se disent putain, on lui a posé la question, il a répondu du tac au tac. On lui aurait demandé une, je suis sûr qu'on lui demande une formule de physique quantique, il l'aurait fait aussi. Parce que le gars est capable de dire qu'il a mangé des pâtes tout de suite. Bon, Laetitia, donc, qui est parisienne, qui a 26 ans. Mais Laetitia, 20% des gens ont oublié quelque chose. Aujourd'hui, dans la journée, on va oublier un truc. Pour moi, les gens, ils vont oublier ce qu'ils ont ce qu'ils ont mangé le matin. C'est sur la bouffe, des pâtes. C'est bon, on t'a répondu. On mange que des pâtes ici, mais là tu dégages. À savoir le blocage sur la nourriture. Non, ça n'a rien à voir avec la bouffe, Laetitia. Je te fais des bisous, ma chérie. Il y a une bonne proposition sur Twitter avec le hashtag BrunoFunRadio. Il y a Fabien qui dit 20% des gens vont oublier un anniversaire. Ça, c'est possible, tu vois. Tout le temps, oui. Ça, c'est la vraie utilité de Facebook, elle est là, je crois. Ouais, même moi, je regarde pas sur Facebook. Moi aujourd'hui, Facebook me sert à ça, c'est pour les dates d'anniversaire. Autant je suis constamment sur Snapchat et Twitter, moins sur Facebook, mais les alertes Facebook pour les anniversaires, ça sauve la vie. Les amis, 20% d'entre nous, aujourd'hui, vont oublier quel jour on est. À un moment de la journée. À un moment de la journée, t'as le « on est quand aujourd'hui ?» Ah, c'est marrant, parce qu'en milieu de semaine, ça peut arriver. Le lundi, tu sais que t'es lundi, je trouve. Il y a un bon goût de lundi, de le week-end est fini, et je me retrouve à côté de Martine qui fait la gueule et qui pue comme tous les lundis. Mais c'est pour ça que les gens écoutent Fun Radio, pour oublier ce bon goût de lundi. Pour oublier que le lundi, c'est chiant, parce que sur Fun Radio, c'est jamais chiant le lundi. Le lundi du lundi, pour Fun Radio, c'est un peu comme un vendredi. On vous ambiance comme un vendredi. Il sera là ce matin à 8h15. Voici Sopra sur Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol s'allume, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. l'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Soprano à l'instant sur Fun Radio, 6h41. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Les amis, il est 6h41 ici en France. Bonjour Adrien. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Adrien, quelle heure est-il chez toi? Il est midi 40. Midi 40, ok, vous voyez pour le décalage. 6 heures de plus. 6 heures de plus. Est-ce que tu peux nous dire, Adrien, d'où tu nous écoutes, s'il te plaît? Je suis actuellement à Bali, en Indonésie. Oh, oh la classe! Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais à Bali, mon pote? Eh ben écoute, on est parti voilà, en vacances avec ma copine, sa sœur et copain de sa sœur. On a visité Bali, les plages, les rivières, la montagne, les volcans. Super. On a visité toute l'île. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses à voir à Bali? Bah oui. Ah ouais. Bah... franchement, tout est à voir. La culture, tout, pour leur religion, tout est à voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Bali? Bah l'eau. Elle est jolie de l'eau. Alors, est-ce que t'es Bali, sur une vanne Bali Balo ou pas? Ah, mais attention, ça c'est une vanne de lundi. Ah, bah. Elle vaut 10 points. Bravo. Attention, tu sais points. Que Bali Balo dans son berceau, tu vois, oui. Je sais pas si tu connais l'histoire. Ah, mais, oui. C'est un bon petit gars, il est bon. Et, Adrien, à quelle température? Là, fais-nous rêver un peu à midi 42 là, à Bali. Là, il fait 35 à peu près. J'ai bien envie de te demander d'aller te faire foutre. Ouais, ouais, ouais. Là, au moment où je te parle, et avec toute l'amitié que j'ai à ton égard, mon bon Adrien. Bon, t'es en vacances jusqu'à quand? Bah, malheureusement, on prend l'avion ce soir, là, dans 6 heures, on repart pour la France. Ah, bah, chose, bien fait pour ta gueule. Mais bon, mais je suis parti 15 jours, alors c'est déjà ça. Ouais, bah, tu vas voir, quand tu vas poser le pied à Paris et que tu vas voir qu'il fait 8 degrés. Ça va être loin Bali, mon pote. Ouais, ça va être bon, profite de ta dernière journée. On t'embrasse, Adrien. Eh ben, merci beaucoup, la famille. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Bisous. Je cherche un jeu de mots avec Bali, mais j'ai trouvé que Baliverne. Et je sais pas ce que ça veut dire. Alors, merci, bon, je suis très loin. Peut-être ne cherche plus. Non, peut-être. Ça sert à rien. Ça veut dire quoi, Baliverne? C'est des mensonges. Ouais. Baliverne. Ah, il doit, ouais. Les amis. Si vous êtes fan de McDonald's, ouais. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer dans moins de 3 minutes. Sur Baliverne. Une triste nouvelle pour Elliot, alors. Une triste nouvelle pour Elliot et pour les fans de McDo. Ouais, je vous dis ça là, dans moins de 4 minutes sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio.

C'est comme pour Elliot à une époque, les gens prennent la défense de Luzman en disant c'est voilà, c'est honteux ce que vous faites, etc. Donc, et puis, voilà, je veux respecter Luzman. On rappelle qu'on est sur de la personne dépressive et on ne joue pas avec ces gens-là. Il bien peut sûr, basculer bien sûr. À tout moment. Et il va falloir qu'on lui demande comment s'est passé son premier week-end avec ses beaux-parents. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire à un moment, il va falloir que tu nous débriefes sur ce premier week-end avec tes beaux-parents. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ouais, bah je suis vivant quoi, c'est ça va ? Ça va, j'ai eu une petite onde voilà que je vais vous raconter. D'accord, très bien. Bah tu vas nous parler de ça tout à l'heure la onde de Luzman avec les beaux-parents. Pour l'instant, McDonald's les amis. Alors, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui va changer chez McDo. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Ah, j'espère que c'est un truc bien. Parce que moi je milite pour un truc là, enfin je milite tout seul dans ma tête. C'est quoi ? Qui est un burger, enfin, vous allez dire il est chiant, un burger végétarien. Allez bon enchaîne. Non mais McDonald's, vous vous rendez pas compte, tout le monde devient végétarien, enfin de plus en plus de gens. Ça nous ferait kiffer. Enfin en tout cas moi. Mais qu'à un moment quand tu veux arrêter le McDo, tu deviens végétarien, tu sais que t'arrêtes le McDo et puis c'est tout. On peut aimer les frites, on peut aimer la sauce barbecue. Les amis. Qu'est-ce qu'il y a ? Me dis pas que c'est le Big Mac. Si c'est le Big Mac, c'est quelque chose qui va disparaître chez McDonald's. Les serviettes ? Ah non, je sais. Ah ça y est, je sais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a déjà un petit peu disparu petit à petit ? Un petit peu petit à petit. Putain, je crois que j'ai compris. Est-ce que c'est pas Ronald ? Ouais, regardez-le partir seul. Oh, oh non, c'est pas Ronald McDonald, les amis. En même temps, c'est vrai qu'il faisait peur aux enfants. Non. Regardez-le, il s'en va. Ronald. Oh Ronald. Le clown Ronald McDonald avec les Ronald World, tout ça, c'est parti, c'est fini. Et pourquoi d'après vous ? Parce qu'aux États-Unis, il y a eu une vague de clowns psychopathes. Comme en France, il y a quelques années, là. Exactement. Non, mais là, c'est... Non, aux États-Unis, c'était chaud. Il y a eu des meurtres et tout. Ah, ouais, carrément. Ah, ouais. Et donc, du coup, ils ont décidé de petit à petit enlever Ronald McDonald. Ah. Putain, c'est le mec qui a tout construit. C'est ton papy qui a construit l'entreprise et c'est le petit-fils qui fait ouais, mais maintenant, papy, tu dégages. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est dégueulasse, quoi. Tout ça pour être remplacé par quoi ? Jean-Luc Lay, a priori. Ils ont essayé de garder quelque chose qui était proche des enfants. Ils sont non, mais Ronald McDonald, c'est la fin d'un monde, les amis. Oh. Moi, ça m'a brisé le cœur. Tu sais quoi ? Du coup, j'irai chez Quick. T'en as rien à foutre. Sac Noël et Sean Paul, c'est tout de suite. Hey yo, this is Sean Paul, the guys, I'm overall. When I come to France, you know I'm listening to Bruno on Fun Radio. La girl with the big tic-tac, she fait gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Make the trumpets blow. Calvin Harris. Ça va arriver là dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Et puis il y aura du Vaché Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. On a quoi ce matin? C'est le retour du chevalier de la bonne humeur. Ah. Qui appelle des gens pour leur raconter des blagues et les mettre de bonne humeur. C'est et... celui que t'as rappelé après parce qu'il avait pas été très gentil avec ta grand-mère. Exactement. C'est vrai que j'en ai parlé, j'étais un peu choqué vendredi. En fait, d'habitude, les gens qui sont de mauvaise humeur, voilà, ils s'énervent assez vite. Mais lui, ouais, c'est-à-dire qu'il est parti au quart de tour direct. Il voulait faire des choses pas très sympathiques avec ta grand-mère, en ouais, tout cas. Ouais, ouais, ouais, t'es pas gentil. Petit extrait. Alors, une petite blague qui va vous faire plaisir. Ouais, bah, mets-toi là dans le cul ta blague, d'accord? Mais pourquoi vous êtes agressif? Moi, je suis un petit rigolus. Mais parce que tu vas me casser les couilles longtemps, là, j'ai que ça à faire, moi. Bon. Voilà. Et vous allez voir, le gars était ouais, tout de suite bien chaud bouillard. Ça, c'est ça, le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Dyslexique, un homme attrape le rhume du fion. Manif pour tous, hier avait lieu la Manif pour tous à Paris. Et notez que les glands n'étaient pas que sur les mocassins. Chiffre, hier, lors de cette Manif pour tous à Paris, ils étaient 24 000 selon la police et 200 000 selon les manifestants. Alors, autant en cours de catéchisme, il y avait du monde, autant en cours de maths, un peu moins. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement en bas de chez moi où un SDF fait la manche. Une petite pièce, s'il vous plaît. Non, on va te faire foutre! Mais Anthony, vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend enfin? Bah, je refuse la misère! Ouais, bah, vous irez en enfer. Et pour finir, si vous aimez les animateurs de télé décédés et les DJ, découvrez Jacques Martin Garrix. Et voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Petit JPI de début de semaine, quoi. Oui, ouais, voilà. Ah, c'est petit lundi. JPI de lundi, oui, bien sûr. Allez, dans 4 minutes, 7 heures. Why wait to say, at least I did it my way. La way. Faced, but in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way, my way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Filez ce matin sur Fun Radio, puis à 7h10, je vais payer de la facture. Vous avez de la facture à vous faire payer, bah vous l'envoyez, facture@funradio.fr. On revient chez vous là, juste après les infos, il y a le Vaché Time qui arrive sur Fun Radio. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Eh, hey, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Top ! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feuvert, vous n'avez plus que 6 jours pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feuvert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bougez pas, Bruno. Il y a 1000 euros cash à vous filer ce matin et on va les filer avant 8h du matin. 1000 euros cash, ça va se jouer par SMS, les amis, avant 8h du matin. 1000 euros cash que vous recevrez chez vous demain. On fera partir ça par Chronopost dans la matinée. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Le point sur l'actu de ce lundi, c'est le 17 octobre aujourd'hui. L'info en 2 minutes avec Poulo. Maxime Poulaouec, bonjour. Et bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo, un temps couvert sur les trois quarts du pays avec de bonnes pluies et des orages au sud-est. Le soleil reviendra au cours de la journée sous forme d'éclaircies dans le nord-ouest. Il fait 9 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 15 à Cherbourg, 16 à Lyon, Lille et Reims, 17 à Paris et Rennes, 18 à Tours, jusqu'à 20 degrés à Montauban, 22 pour Ajaccio. François Hollande attendu cet après-midi à Florange. Le chef de l'État se rendra sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en Moselle où il pourrait recevoir un accueil musclé des syndicats. Hollande s'exprime ce matin dans la presse régionale. Il rappelle avoir respecté ses engagements de campagne de 2012, à savoir sauver le site et éviter un plan social. Les interrogations à Angers. Comment un balcon a-t-il pu s'effondrer samedi soir dans le centre-ville pendant une pendaison de crémaillère? L'accident a fait 4 morts et 14 blessés, des étudiants de 18 à 25 ans. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte. Le maire de la ville a annoncé des expertises immédiates pour déceler d'éventuelles malfaçons. À principal bastion de l'État islamique, l'opération pour reprendre la ville de Mossoul en Irak a débuté tôt ce matin, selon le premier ministre irakien. L'ONU s'inquiète pour la sécurité de plus d'un million de civils. La bataille pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En football, c'était la fin hier soir de la 9e journée de Ligue 1. Marseille a battu Metz 1-0. Il s'agissait du dernier match sous l'ère Louis Dreyfus. Le club est officiellement racheté aujourd'hui par l'américain Frank McCourt. Il y avait 2 autres rencontres ce dimanche. 1 but partout entre Rennes et Bordeaux. Même score pour Saint-Etienne face à Dijon. Enfin, participez au prochain spot pub de Fun Radio. Postez dès maintenant vos photos et vidéos les plus fun sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ambassadeur Fun Radio. Les meilleurs clichés seront sélectionnés sur Prenez-nous. Le spot sera diffusé au mois de novembre à la télé. 7h03, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno sur Fun. Bruno on Fun Radio. Lundi, c'est le 17 octobre. Vous avez choisi Fun Radio pour vous réveiller. Vous faites bien. Il est 7h04. J'ai envie de vous dire bonjour. Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. Merci d'être plusieurs millions à nous écouter tous les matins, à revenir à un moment ou à un autre. Passez par Fun Radio. Le son Dance Floor de Fun, c'est Mike Perry. Et le nouveau Black M. À Skip. Black M, il est sur le nouvel album de Soprano. Soprano, nouvel album qui sort aujourd'hui, nouvel album qui s'appelle Everest. Il sera notre invité ce matin. L'extra avec Black M, tiens, c'est ça. Ah, Il y a un titre avec Jul aussi. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Moi, je voudrais qu'on m'installe le son pour parler comme Jul, la voix de robot comme Jul. Moi, j'aimerais pouvoir. C'est pouvoir un vocodeur qu'on appelle ça. Ouais, mais ouais, j'aimerais bien que vous me le mettiez. Que je puisse faire. Ouais, Charles. C'est pas Booba aussi qui utilise ça un peu. Si, ouais. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour à tous. Il y a Elliot. Je veux mon bijou. Non, c'est improbable sa voix, quoi. Eh ben ça cartonne, qu'est-ce que je te dis, ça cartonne. Et grosse semaine niveau invité, demain on aura Jean Dujardin qui sera là avec Bruno Salomon. Et la classe, parce que quand même hier soir il était sur le JT de TF1 et je me suis dit, il va être chez nous dans deux jours. J'ai hâte de le... Je l'ai jamais rencontré, Jean Dujardin. Christina, si ça peut te faire plaisir, je peux inviter Gilles Boulot aussi, hein. Non, c'était Anne-Claire Coudray. Oh, Anne-Claire. Eh bien je peux inviter Anne-Claire Coudray. Elle est si chic, Anne-Claire. Bon les amis, c'est l'heure du Vaché Time. Bruno. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Et de temps en temps, il vient, c'est le chevalier de la bonne humeur. Il appelle des gens voilà, qui sont de mauvaise humeur, surtout le lundi matin, on sait, on tire un peu la gueule. Bah, lui, il se dit, je vais leur donner le sourire en racontant des blagues. Ouais, et ça marche rarement. Jamais. Faut dire qu'il a une voix qui énerve un peu. Et alors lui, vous allez voir, il est très énervé. Allô ? Bonjour, je suis le chevalier de la bonne humeur, vous m'entendez ? Oui. J'appelle des gens au hasard, je les mets de bonne humeur avec des blagues que je raconte. Oui. Et je peux vous dire que souvent, on se marre. Mais celui-là. Allô ? Tu me fais chier, celui-là. Oui, bonjour, monsieur. On vous a passé le téléphone parce que sûrement que c'est vous, le petit rigolo de la boîte. Non, c'est pas moi, monsieur. Alors, une petite blague qui va vous faire plaisir. Ouais, bah mets-toi là dans le cul, ta blague, d'accord ? Mais pourquoi vous êtes agressif ? Moi, je suis un petit rigolus. Mais parce que tu vas me casser les couilles longtemps, là. J'ai que ça à faire, moi. Bon, alors, c'est l'histoire de deux Martiens qui discutent ensemble. Je suis occupé, là. Tu vois pas que je suis en train de travailler, là ? Évite de me rappeler parce que sur la vie de ma mère, je vais te niquer ta mère, là. Alors, il y a deux Martiens On travaille, fils de... C'est deux Martiens qui... Ta grand-mère, toi, sur la vie de ma c'est mère... C'est deux Martiens qui discutent en mangeant des restes, ils disent qu'ils sont extraterrestres. C'est tu vas voir, regarde, dans 5 minutes, rappelle-moi, je revois ton numéro, bon. Il va s'afficher, rappelle-moi tout de suite. Alors, vous êtes hermétique aux blagues, j'appelle maintenant le clown de la bonne humeur. Bonjour, je suis le clown de la bonne humeur qui pète. Eh, hey, mais allez vous branler, sérieux, ça va vous calmer, les mecs. Il y a monsieur le clown de la bonne humeur qui est venu aussi. Et je pète. Il y a monsieur, pas grand-mère, la... Que je t'en ta mère et je vais ta grand-mère, d'accord ? En tout cas, ravi de vous avoir mis de bonne humeur. Je pense qu'il y a des plombiers. Ils sont plombiers, ils sont sur l'île, ils sont dans les premiers qu'on trouve dans les pages jaunes. Franchement, faites appel à eux, ils sont trop trop gentils. Écoute, franchement, ils m'ont vendu du rêve. Ah ouais, ils sont gentils comme tous, c'est des amours. Les derniers que j'ai trouvé aussi fleuris comme ça au niveau du discours, c'était eux. Lopez au pouvoir. Non, c'était... Ouais, on est dans la lignée. Ouais. Dans moins de 3 minutes, je serai une nouvelle fois le seul animateur radio de France à payer vos factures. Ça va se passer sur Fun Radio juste après Mike Perry. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a Lundi, c'est le 17 octobre. J'ai envie de me faire un petit choc des générations ce matin. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ouais, grave. On a le temps? On a le temps d'organiser ça avant 7h30 ou pas? Bah, oui. Tout dépend de si vous nous appelez au 3228. Bon, alors, choc des générations, on rappelle le principe. Il nous faut un auditeur de 15 ans maxi, c'est ça? Moins de 15 ans, jusqu'à 15 ans, ça marche. Et on fait quoi? Année 80? Donc, si vous avez plus de 40 ans, vous appelez le 3228. Moins de 15 ans, le 3228. Plus de 40 ans, le 3228. On offre quoi? Une télé. Écran LED, oui. Écran géant, d'accord. 32 très bien. Pouces, hein, c'est une grande. Hein. J'aime quand tu mets 32 pouces super. Dans un téléviseur. 3228, vous appelez maintenant. On va poser des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux, c'est le choc des générations. Et oui, 40 ans, c'est pas vieux non plus, je vous rassure, parce que les gens disent j'entends pas bien ce qu'il dit, mais il paraît qu'on est vieux à 40 ans. C'est pas tout jeune, hein, non plus. On se fait ça dans quoi? Dans 10 minutes. Allez. 3228, vous appelez maintenant Fun Radio. Il y aura Black M d'ici là. Ah, j'adore moi. Askip, j'aime bien moi aussi. Ça arrive sur Fun Radio, pour l'instant je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio, nous payons vos factures. Et vos factures, vous les envoyez par mail à facture@funradio.fr ou bien vous les déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Nous partons du côté de Montpellier. Montpellier. C'est toujours chiant les sonneries, je trouve. Ils devraient mettre de la musique. Ah. Elvire. Oui. Bonjour Elvire. Bonjour Bruno. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Oh. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Quel beau prénom, Elvire. Comme la crème. Ouais, c'est ça, ça fait marque de beurre ou de crème fraîche. Les amis, Elvire, Donjelon, excusez-moi, un peu de culture. Mais nous, avec Elliot, on pense à Elvire. Ouais, voilà, c'est tout. Le truc, on fallait pas de carbo. Au milieu, hein, quand même. Donc, c'est bien ça, c'est Donjelon, Elvire, on est d'accord. Je regarde, puisqu'il y a des filles qui sont comédiennes derrière, donc j'aurais pas à dire des conneries. Mais c'est ça, oui, c'est Donjelon. Oui, il y a Donjelon, il y a plusieurs références. Il y a Scarface aussi, il y a Elvira. Donc... Attention, on se fait chier. Elvire, à Montpellier, tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 32 ans et je suis professeure de danse. D'accord. Genre, t'as une école de danse à toi? Je travaille avec une amie à moi, en fait, qui a l'école de danse. On travaille toutes les deux. D'accord. Et c'est quoi? C'est danse classique, moderne jazz? Vous faites quoi? Alors, pas du tout. Moi, je fais du Bollywood. C'est génial! J'adore! Excellent! Voilà. Mais après, sinon, on fait pas mal de choses. Il y a du classique, il y a du moderne jazz, il y a du cabaret. De toute façon, Bollywood! Excuse-moi, mais tu danses en pas chassé, avec les bras en l'air et en bougeant les mains de gauche à droite. Entre autres. Danse de Bollywood, les amis. Alors oui, je sais, c'est de la radio, que j'en ai à foutre. Bon. Non, c'est le truc où tu mets une gommette rouge là, sur le front. Une gommette, c'est ça. Une gommette, ouais, c'est à peu près ça. Ou comment foutre en l'air toute une religion qui date de plusieurs dizaines et de centaines d'années. En fait, vous dansez avec des gommettes, quoi, comme un petit... C'est les clichés qu'on a en France, malheureusement. Ça va un peu plus loin que ça, mais en gros, oui, c'est ça. C'est comme une gamine de 10 ans qui fête son anniversaire, quoi. T'as des gommettes, t'as de la danse et t'as du jus d'orange, quoi. Deux, trois questions sur les danses indiennes. Est-ce qu'on peut faire de la danse indienne même si on n'a pas 8 bras? C'est possible ou pas? Oui, on peut, on peut. Y a pas que Shiva qui fait la danse indienne. Très bien. Oh là là, elle est trop calée, hein. Bon, Elvire, 466,58 €. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un téléphone. Parce que, en fait, je suis partie en Australie pendant un an, et puis à la fin de mon trip, donc j'ai fait plein de photos, plein de vidéos, et à la fin de mon trip, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. Ah merde, et donc il n'était pas waterproof? Eh ben non, malheureusement, donc un peu, enfin vraiment dégoûté, parce qu'en plus j'ai tout perdu. Ah, toutes tes photos étaient sur ton téléphone portable? Oui, c'est ça. Oh la galère, ouais. Bah t'as plus qu'à y retourner. C'est ça, c'est un peu moins quand même. Mais bon, je vais essayer. Mais vraiment dégoûté. Ce qui est ouf, c'est quand même se barrer en Australie pendant un an. Et plutôt que de m'envoyer la facture des billets d'avion pour l'Australie et tout ça, m'envoyer sa facture de téléphone. Mais bon, après, c'est un choix. T'as été tiré au sort, c'est tombé sur toi. Moi, j'aime autant, et le comptable aussi, que ce soit juste pour le téléphone, ma chérie. 466,58 €, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup à toute l'équipe. Je te fais de gros bisous Elvire. Bonne journée, merci. Ciao, ciao. Ce à qui ça arrive, il faut mettre dans du riz le téléphone. Voilà, je vous donne une technique. On n'est pas obligé de faire des blagues à chaque fois Bruno. On peut être aussi sérieux deux minutes. Mais ça marche pas tout le temps. Oh bah ça ça dépend à quel point il a été atteint. En plus, le pire, c'est que Elliot, il fait bouillir de l'eau, il met le riz dedans et après, il rajoute le téléphone. Ouais. Et après, il met des carottes, du veau. Et en fait, il appelle ça une blanquette. Après, il va aux toilettes, on l'entend hurler. Mais oui, mais fais pas n'importe quoi aussi. Askip. Nouveau Black M, ça arrive là sur Fun Radio. Et Choc des générations, 32-28, vous jouez avec nous. Écran LED à vous offrir ce matin. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Marion est légèrement stressée. La rentrée n'est pas loin, mais elle a déjà pris du retard. Son souci, c'est le manque d'organisation. Elle n'arrive pas à tout gérer en même temps. Faut dire qu'avec tout le travail qu'elle a au bureau. Les résultats, elle a du mal à aider Victor, son fils. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des stages en petit groupe pendant les vacances, pour vérifier ses acquis et optimiser ses méthodes de travail. Rendez-vous dans votre centre Acadomia. Plus d'informations sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours pour profiter des 4 semaines les moins chères de France. Cette semaine, vous avez jusqu'à 50% d'économie sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 50% d'économie. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalités, règlements et magasins participants sur intermarché.com. Du 18 au 23 octobre. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 7h18, la famille, bienvenue, c'est Fun Radio, c'est lundi, c'est le 17 octobre. On aura tout à l'heure, à partir de 7h30, la chanson du jour. Chanson du jour de ce matin qui est... c'est bien compliqué. Ça va être compliqué, peu, ouais. Un petit peu compliqué. Alors, c'est une histoire, c'est Fabien qui m'a écrit à bruno@funradio.fr. Elliot, faut que tu m'aides, il veut récupérer sa nana, ouais. Parce qu'il avait un caractère un peu chelou, c'est ça, sa nana s'est barrée. Bah, ils ont un enfant, et bon, il y avait la routine qui a commencé à s'installer dans le couple, et il comptait sur les vacances, mais de ouf, il s'était pris 3 semaines de vacances, je sais plus où. Et en gros, au dernier moment, il a dû prendre la thune pour autre chose, et donc ils sont partis que 2 jours à Bordeaux, ça a rien réglé dans leur couple. En gros, elle n'en peut plus, il ne sait plus trop où ils en sont. Ouais. Donc, il voudrait un peu faire cette chanson pour mettre au clair ce qui se passe dans leur couple. Bon, on l'aura tout à l'heure. En plus, depuis, il y a eu d'autres infos qui sont tombées. Je crois qu'elle est revenue ce week-end, mais il ne sait pas si c'est pour le quitter. Enfin, c'est compliqué. En fait, il lui a demandé de partir ce week-end pour réfléchir. Et elle n'a pas du tout donné de nouvelles. Donc, voilà. Ah ouais, bah ça, c'est le problème. Ouais. Bah, si tu es à deux doigts d'une séparation et que tu dis, bah, va-t'en pour réfléchir, en général, la personne part, elle revient pas. Bah ouais. Message aux célibataires, hein. Profitez. Profitez. Allez-y. Bon, on va se faire un petit choc des générations, là, dans quelques secondes, sur Fun Radio. Et pour l'instant, j'adore. Nouveau Black M, notre poteau Black M qui revient en direct sur Fun ce matin. Askip. 1-2-1-2, c'est le Big Black M avec le poteau Bruno sur Fun Radio. Ah! Welcome, ladies and gentlemen, welcome, Askip TV, FM, comme vous voulez, 1-2-1-2. Askip, le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Askip, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askip, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Askip, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La miss elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La miss elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Askip, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Askip, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Je vous emmerde

Je vais dire un truc, mais je suis pas sûr. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, non. Bien essayé. Et c'est vrai que la fameuse sauce Goldman. Ah non. Alexis, c'était Jean-Pierre Madère. Tu ne marques pas de points. C'est vrai que la fameuse sauce Madère, pour les jeunes, ils la prennent tous au McDo. Hein. C'est cool. Hein. Question de jeunes pour Fabienne. Allez. Fabienne, quel DJ français vient de faire son retour avec ce single? Que dis-tu, Fabienne? Je sais pas, à tout hasard, David Guetta. Hey, non, mais non, loin, c'est l'autre. C'était Bob Sinclair. Bob Sinclair, bon. Pas de point. Alexis, deuxième question de vieux pour toi, le jeune. Musique. Ok. Et vous savez à quoi vous êtes vieux, là, si vous écoutez Fun Radio? C'est que là, vous bougez votre tête. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je bouge ma tête. Alexis, quelle célèbre série des années 70-80 commençait par ce générique? Love. Oh. Exciting and new. Come on board. Alexis? La concierge Samus. Alors ça, c'est quelqu'un qui lui a soufflé mes mal. Est-ce qu'on accepte la concierge s'amuse? Ça, c'est c'était la version érotique d'M6. Je m'en souviens très bien, en 98, la concierge s'amuse. Excellent. Alexis, c'était la croisière s'amuse, mon pote. C'était pas loin. C'est pas loin. Les films à papa. Hein. Fabienne, question de jeune. Pourquoi? De quelle star de télé-réalité le mannequin Kendall Jenner est-elle la sœur? Je sais pas du tout. Aïe, aïe, aïe. C'était... Non, c'était Kim Kardashian. Ah, si tu grimpes, voici, oui, tu le saurais. J'ai pensé en plus. Dernière question, Alexis. Il faut que tu marques un point. Est-ce que t'es prêt, mon pote? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Pour quel produit une pub culte des années 80 commençait comme ça? Je voudrais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. C'est un bleu, bleu comme l'homme. D'après toi, Alexis. Je dirais... Une pub pour quoi? Allez, lance-toi. Allez, papa. C'était du PQ, Alexis. Papier WC. Fabienne? Fabienne, oui. Tu peux gagner en répondant correctement à cette dernière question. Quel chanteur français a pour vrai nom Mathieu Tota? Ouais, oui. Oh, joli! C'est ça? Mais oui! Fabienne, c'est gagné! Tu vas nous faire un AVC là, calme-toi. Eh oui les amis, pour une fois, contente. C'est la vieille qui gagne. Bravo la vioque. Tu repars avec un écran LED, Fabienne. Super, super, un gros bisou Alexis. Ouais. Alexis mon pote. Bon, c'est la règle. On va t'envoyer la compile Brulo dans la radio, d'accord Alexis? Ok. On t'embrasse, bisous, passe une belle journée. Chou. Bisous Fabienne. Bisous, gros bisous à tous et famille. Fabienne, bisous. 49 ans, ça n'est pas vieux. Mais ça s'appelle de l'expérience. Non. De l'expérience et des vergetures. Oh. Mike Perry arrive sur Fun Radio et la chanson du jour, là, juste après les news. On est lundi aujourd'hui. Bon réveil. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre, avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Jack Rich. Fincher. Vous êtes qui, nom de Dieu? Never Go Back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise. Sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, Never Go Back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Mercredi au cinéma. Je suis pas la loi. Carrefour. Ah bah ça y est, Franck s'est enfin décidé à ranger la cave. Mais comment t'as fait pour le convaincre? Oh, facile. Je lui ai dit que dès demain et jusqu'au 22 octobre, chez Carrefour, on a 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros d'achat sur tous les vins. Eh, hey, comme quoi quand il veut. Oui, il suffisait de trouver les bons arguments. Dès demain et jusqu'au 22 octobre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros d'achat sur tous les vins. Limité à 5 bons d'achat hors champagne et vin pétillant. Bon d'achat valable du 24 au 30 octobre, voir modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Bougez pas, Bruno. On est là sur Twitter, on est là sur Facebook, on est là sur Snapchat et sur Instagram. Le compte, c'est Bruno Fun Radio. Puis on est là pour vous filer du blé. J'ai 1000 euros cash à vous donner là ce matin. On va donner le top départ juste après les infos. Fun Radio. Le son. Le point sur l'actu de ce lundi 17 octobre avec Maxime Poulot. Maxime Poulaouec, bonjour. Et bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. On commence par la météo. Nuages averses et éclaircies se succéderont dans le nord-ouest. Partout ailleurs, le ciel sera couvert avec de la pluie et des orages, notamment vers la Méditerranée. Il fait 9 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 15 à Dunkerque, 17 à Paris, Limoges, Montélimar et La Rochelle, 18 à Bayonne, 22 degrés pour Ajaccio. François Hollande attendu de pied ferme à Florange. Le président se rendra cet après-midi sur le site d'ArcelorMittal en Moselle. Il devrait recevoir un accueil musclé des syndicats. Hollande tiendra à rappeler qu'en dépit de la fermeture des hauts fourneaux, il a tenu ses engagements, à savoir sauver le site et éviter un plan social. À Angers, une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte hier après l'effondrement d'un balcon la veille au soir. 4 jeunes sont morts lors d'une soirée et 14 autres ont été blessés. Le maire de la ville a annoncé des expertises immédiates pour déceler d'éventuelles malfaçons. Dernier jour pour payer votre taxe foncière, sauf si vous avez opté pour le paiement en ligne. Comptez-la 5 jours de plus. La taxe foncière qui a augmenté de 15% en 5 ans. La Danone Nations Cup, c'était hier au Stade de France. Il s'agit de la Coupe du Monde de foot des 10-12 ans en partenariat avec Fun Radio. Blaise Matuidi est l'ambassadeur français de la compétition. Le joueur du PSG a livré quelques conseils pour les jeunes footballeurs. C'est le message que je vais leur faire passer aussi, qu'ils y prennent conscience que même si aujourd'hui il y en a qui sont moins forts que d'autres, c'est pas la vérité de demain. Et si on se met à travailler, qu'on se donne toutes les chances de notre côté, on peut y arriver. Toujours y croire. La France qui a perdu contre le Japon en 8e de finale, c'est l'Allemagne qui a remporté la compétition. Et puis sur les terrains de Ligue 1, Marseille a gagné son dernier match hier soir sous l'air Louis Dreyfus. Victoire 1-0 contre Metz lors de la 9e journée de championnat. 7h33, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio, il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 7h33, c'est Fun Radio. Chainsmokers qui va arriver là dans quelques secondes. Et puis, tu sais quoi? On va se donner un peu moins d'une demi-heure. Un peu moins d'une demi-heure pour les SMS. Donc, il va falloir vous speeder, la famille. Je veux l'offrir avant 8h du matin. J'ai un chèque de 1000 euros à vous donner ce matin. 1000 euros qu'on fera partir par Chronopost. C'est-à-dire que vous l'aurez dans demain. En fait, ça part aujourd'hui. Vous l'avez demain matin chez vous. Vous pouvez appeler votre banquier là si vous gagnez ce matin. Enfin, non, il bosse pas le lundi en général, le banquier. Non. Vous l'appellerez demain matin en disant j'ai 1000 euros là. Je les dépose sur banques. Mon compte. Bah, la mienne bosse pas le lundi. Moi non plus. Ah, moi non plus. Et puis elle bosse pas l'après-midi. Tu sais, c'est les banques de campagne. Ouais. À 16h, c'est fini. Puis il y a quand même un jour sur deux où ça finit à 14h. Ouais, c'est ça. Puis ça commence à 10h. Attention, et si t'appelles, tu les fais chier. Donc, ils prennent une voix genre, oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Juste commander un chéquier, mais pardon. On va être content de t'avoir. Bon, 1000 euros cash à vous offrir. Là maintenant, vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. Donc je vous le dis, c'est moins d'une demi-heure. On va faire quoi? Allez, on va faire 25 minutes pour que avant 8h du matin, on puisse faire le tirage au sort et vous prendre avant 8h. Si vous avez cours à 8h du matin, comme ça, vous pouvez jouer avec nous. Bruno par SMS au 74 900. Si vous êtes en Belgique, ça marche aussi. Et là, vous envoyez votre SMS. C'est au 63 22. Vous envoyez Bruno aussi. Et là, ça marche aussi. Et qu'est-ce qui va se passer dans 25 minutes? Dans 25 minutes, il y a un ordinateur qui va choisir parmi tous les SMS. Aucune trace humaine dans le choix de l'auditeur ou de l'auditrice. Et on vous appelle en direct. Il faut que ça réponde. On est sur la team, ça décroche ce matin. Ah si oui. C'est répondeur, vous gagnez pas. C'est pour ça qu'on le fait avant 8h du matin. On vous appelle, vous décrochez, vous gagnez 1000 euros. Pas compliqué. Bruno par SMS au 74 900. Vous avez 24 minutes maintenant. Bon courage. On a comme un petit problème. Le lundi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du lundi. Faites sonner le clairon pour Fabien à Sélac. Bonjour Fabien. Salut Bruno, salut la famille. Bonjour. Bon Fabien, sujet compliqué ce matin. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu veux qu'on fasse passer un message à Gaëlle. Gaëlle, c'est ta chérie, vous êtes paxée, vous avez un enfant de 2 ans et demi qui s'appelle Léo. Tu m'as mis que tout se passait bien entre vous jusqu'aux vacances de cet été. Vous deviez partir, vous aviez mis beaucoup d'argent de côté. Mais t'as eu un problème aux yeux. T'as dû te faire réopérer. 2500 euros, t'as dépensé l'argent que vous aviez mis de côté. Et depuis, ta chérie est à bout. Vous êtes partis 2 jours, mais le petit garçon a pas été cool. Donc en fait, vous avez pas profité. Et depuis 3 semaines, tu me mets que Gaëlle se pose beaucoup de questions sur votre couple et se demande si vous devez vous séparer ou pas. Wow. Tout à fait, c'est ça. C'est compliqué. Alors moi, après, j'ai envie de te dire... C'est très compliqué. Si vraiment le fait de ne pas partir en vacances et d'avoir un gamin qui peut être chiant lui fait se poser des questions sur son couple... En général, c'est pas ça, Bruno. Ouais. C'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Honnêtement, moi, je suis en couple depuis à peu près autant que vous. J'ai une fille du même âge et je peux tout à fait comprendre. Il y a des périodes qui sont très compliquées où tu te poses des questions. Je dis ça parce que je reviens de très loin dans mon couple. Mais je pense qu'il y a une chance de s'en sortir. Mais pour ça, il n'y a que le dialogue. Et oui, tout à fait. Hein. Une petite question, pourquoi alors tu t'es barré? Pourquoi c'est genre alors, tu voulais lui faire un électrochoc? C'est pas moi qui suis parti. En fait, vendredi soir, on a discuté pas mal, on s'est expliqué. Et elle m'a dit qu'elle était complètement perdue, qu'elle avait besoin d'air. Donc je lui ai dit, écoute, pars 2 jours, va prendre l'air, va faire le tri dans ta tête. Moi, je garde le petit. Et voilà quoi, va prendre l'air. Donc du coup, elle est partie vendredi soir, elle est rentrée hier soir. On n'a pas eu le temps de bien rediscuter parce qu'elle était fatiguée et voilà, donc du coup moi aujourd'hui j'attends un petit peu de savoir ce qu'il en est quoi. Et toi t'as envie de rester? Ah bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Il y a que ça ou pas? Parce que là, tu mets le doigt sur 2 trucs. Et je sais que nous, les mecs, on a en général tendance à stigmatiser sur 1 ou 2 sujets, tu vois, en occultant le fait que pendant 7 ans, on a soit été pas cool, soit... souvent, une nana, tu sais, c'est sur l'accumulation, en fait. Ouais, elle dit rien, elle dit rien. Je suis pas quelqu'un de démonstrateur. Donc, déjà, je suis pas quelqu'un qui lui dit je t'aime tous les jours, qui lui dit t'es belle, je suis pas du tout comme ça, quoi. C'est pas démonstratif. Voilà, tout à fait. Et là, depuis qu'on s'est un petit peu mis en colère, mais qu'on a discuté, j'essaie de faire un maximum pour lui dire que je l'aime. Ah, quoi. C'est bien déjà. Ouais, mais c'est souvent. Le problème, c'est que c'est souvent tard. C'est trop tard. Ça peut refonctionner. Bon. Fabien, fort de nos expériences communes, on va essayer de récupérer le coup, on va l'accueillir en direct, on lui fait une chanson, d'accord? Et puis après, on va essayer de gérer, d'accord? Ok, ça bouge pas. Autant des fois, on a des sujets un peu faciles à régler, genre on doit faire passer le message, maman, c'est pas moi qui a pété dans la cuisine. Et on se marre, autant là, c'est un peu plus chaud. C'est le principe de la chanson du jour. Bonjour Gaëlle. Oui, bonjour. Gaëlle, je m'appelle Bruno Guillon. Je m'excuse de te déranger de si bonne heure un lundi matin. T'es en direct sur Fun Radio. Oui. Et si t'es en direct ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer, Gaëlle. C'est une chanson. J'aimerais que t'écoutes les paroles de la chanson que je vais te passer parce que, en fait, c'est une chanson pour toi. On a écrit les paroles spécialement pour toi, d'accord? Oui. C'est un message de la part de Fabien. Oui. T'écoutes les paroles, on en parle après? Oui, d'accord. Eh ben, c'est parti. Je crois qu'on doit mettre les choses au clair, car j'ai l'impression que t'as besoin d'air. J'ai bien vu qu'en ce moment ça n'allait pas fort et que notre amour est plus ou moins fort. Mais déjà je voulais te dire que je vais faire des efforts, car je n'ai aucune envie de me séparer, même si ta décision je vais l'accepter. Mais tu sais, moi je pense pas qu'on a besoin d'en arriver là. Maintenant que j'en ai conscience, tout va changer, crois-moi. Et je veux crier sur les toits que je vais vraiment prendre soin de toi, t'aimer à nouveau comme il se doit. Je voudrais redevenir ton roi, car je sais bien que tu étouffes. Même moi j'en souffre, alors fais-moi confiance. Je vais tout faire pour qu'on retrouve un second souffle. Belle parole, Elliot. On va voir. Gaëlle. Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui. Compliqué, hein, ce genre d'histoire. On était en train de parler, là, tout à l'heure, à l'antenne. Parce que Christina a vécu ça, 7 ans de couple, un enfant, et qu'il y a des moments où c'est un peu dur. Franchement, je suis passée par une passade très, très compliquée, mais je pense que même à l'équipe, j'en ai pas parlé, je reviens de très loin. Il faut pas oublier que l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça peut te bousiller ton couple, ouais. Mais vraiment, c'est un bonheur absolu, mais du coup, ça accapare tout ton temps, tout ton amour. Et parfois, on sait plus trop bien où situer, que ce soit le garçon ou la fille. Donc, tu peux passer par des moments comme ça, mais je reste persuadée que tu peux en sortir s'il y a encore de l'amour. En tout cas, excusez-moi, c'est le jeune papa qui parle, merci, vous me vendez du rêve. Ouais, c'est chaud au début. Hein. Non, continuez, je rêve. Gaëlle, alors je sais que t'es un peu surprise parce que ça se passe à la radio et le but n'est pas de balancer à l'antenne toute ta vie privée. Juste, je voudrais savoir comment tu te situes par rapport à Fabien. Est-ce que t'as des sentiments encore au fond de toi? Après, je pense que ce genre de choses, ça n'a pas besoin de passer en direct live. Non, je sais. On peut s'expliquer, nous deux. J'ai bien compris. C'est des choses qui sont assez compliquées, déjà, nous deux, pour parler. J'ai bien compris. Donc, en plus, devant... Gaël, j'ai bien compris. Sauf qu'en fait, voilà, s'il fait cette démarche-là, c'est que lui veut te prouver que voilà et qu'il a tellement de sentiments pour toi et qu'il est prêt à le crier à la France entière. C'est pour ça que je te demande juste, est-ce que toi... par rapport à lui, t'en as encore un peu, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, savoir si tu vois, il y a encore quelques cendres incandescentes sur lesquelles nous pouvons souffler. Ouf, boum. Après, bien sûr, c'est le frère de, enfin c'est le père de mon enfant. Donc évidemment, si on en est arrivé là, c'est en vie commune, c'est bien qu'il y avait quelque chose encore aujourd'hui. Maintenant, où c'est qu'ils sont, ils sont un peu perdus et un peu, pas mal quoi. Et je sais qu'il a des sentiments pour moi, qu'il veut dire à la terre entière, ça je le sais. Je m'en suis rendu compte. Avant je m'en rendais pas forcément compte, maintenant je m'en rends compte. Bon, c'est déjà mais un cap. Oui, mais s'il faut plusieurs souffles, comme tu dis, des souffles on en a eu déjà. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas que des parents justement. Ah. Et en fait, falloir remettre votre couple au milieu. Peut-être que vous pourriez partir en week-end tous les deux, essayer de faire quelque chose. Fabien ? Oui ? Allez, t'as quelques secondes avec Gaël. Donc, mon amour, tu sais que voilà, je ne suis pas démonstrateur et la démarche, elle n'est pas facile pour moi de passer à la radio pour dire à tout le monde que je t'aime. Je pense que je peux pas faire plus, je peux pas faire plus que ça. On a passé... On a créé des montagnes, on a créé une famille, on a créé des montagnes. Je trouve ça dommage qu'on casse cette montagne aujourd'hui. Tu m'as fait le plus beau cadeau de ma vie, c'est notre fils, c'est Léo. Bon, maintenant, je t'ai laissé un week-end d'évasion et j'ai besoin de savoir... Fabien, bon, je t'arrête juste pour te dire qu'elle ne te le dira pas là à l'antenne. Non, et je veux pas qu'elle te le dise en plus à l'antenne parce que ça la mettrait mal à l'aise. En tout cas, t'as fait passer le message. Gaëlle ? Oui ? Gaëlle, on te fait des bisous, ma chérie. Et je te sens un peu ému. On va te laisser en antenne avec Fabien. Fabien, mettez les choses au clair. Fabien, tu sais quoi? Je te laisse en antenne avec Gaël, que vous parliez un peu tous les deux, et je te reprends dans 5 minutes, d'accord? Ouais, ça marche. Allez, à tout de suite, mon pote. En tout cas, j'espère qu'il a une PS4 parce que ça pue. Hein. Il va se faire chier. Mais non, ça va s'arranger. Ça va. J'espère. On le reprend à l'antenne là dans 4 minutes pour faire un point là-dessus. Et puis, il y a 1000 euros à vous offrir. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Fun. Arizona et Robin Schulz. Sean Frank. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac+5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio, le son dance floor. guys, we are the Chainsmokers on Fun Radio. Listen, dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't try your un casting de pom-pom girls. Bruno dans la radio. Ville à la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Lundi, c'est le 17 octobre, c'est Fun Radio. Invité avec nous ce matin, il sera là en direct dans le studio à partir de 8h15, notre pote Soprano. Il va être content de voir revenir Nicole Pervers, vous croyez, Soprano? Non, non, non. Je suis pas sûr. On sait jamais. Hein. C'est, non, je pense qu'il y a une amitié entre eux. Au fond. Moi, je crois qu'il l'aime pas trop. Ouais, je crois que c'est pas trop sa cam. Non. Mais je crois que Nico, pour avoir un peu parlé avec lui, n'aime pas trop Soprano non plus. Ah bon, bah écoute. Tu veux dire qu'ils vont se clasher, tu crois? Je pense, ouais. Bon. Parce qu'on sait pas qui copie qui, c'est ça le problème. Bon, j'ai une petite idée quand même. 8h15, là, tout à l'heure. David Guetta arrive avant 8h. Would I Lie to You? Et puis, chanson du jour, là, ce matin, on a eu tout à l'heure Fabien au téléphone, qui a essayé de reconquérir. Hein. Je pense que c'est le mot, Gaël, sa chérie. Voilà, c'est compliqué en ce moment. On lui a fait une chanson à Gaël. Je crois qu'on doit mettre les choses au clair. Car j'ai l'impression que t'as besoin d'air. J'ai bien vu qu'en ce moment, ça n'allait pas fort et que notre amour est plus ou moins fort. Bon, c'était plus, moins. C'était plus, moins que plus. C'est plus, compliqué. Hein. On a senti, Gaëlle, que c'était, ouais, c'était compliqué pour elle. Fabien ? Oui. Bon, on vous a laissé parler un peu pendant la pub tous les deux, parce que je n'avais pas envie de se répandre à la radio, ce que je peux comprendre. J'ai l'impression que c'est mal barré quand même l'histoire. Ouais, c'est bien un peu l'impression que j'ai, parce qu'en plus elle évite un peu le sujet, donc bon, ouais. on en rediscutera tous les deux, mais c'est très compliqué. C'est typiquement ce qu'on disait hors antenne, en fait. Nous, les garçons, on a un délire, c'est que quand on se rend compte des trucs, c'est qu'en général, c'est déjà trop tard. Ah, et les filles ont aussi un défaut. C'est que les filles, elles ressassent, elles gardent le truc. Et quand elles le sortent, c'est quand ça pète, c'est que tout pète, en fait. Oui, bien sûr. Mais après, honnêtement, moi, je suis pas sûre que c'est cramé pour autant. Après, ça peut pas se résoudre en deux jours. C'est impossible. Ça peut mettre des mois à revenir. C'est juste un travail qu'il faudra faire tous les deux si vous en avez envie. Et puis, bah, s'il y a plus rien, malheureusement, il y aura plus rien. Mais faut essayer. Bah, et dans ces cas-là, et Fabien, et le but, c'est de préserver au maximum votre petit garçon, essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Ça, c'est sûr. Bon. C'est sûr. Tu nous tiens au jus, Fabien. Ok, ça marche. Ouais, merci, bon, on t'embrasse, mon pote. Bisous, hein. Non, mais en vrai, elle a juste besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pas du tout. Mais attends, ils sont ensemble depuis 7 ans, elle a 28 ans. Et c'est-à-dire que depuis. Bah attends, elle a jamais eu ces genre 2-3 années où elle va faire la ch'touille en boîte, elle se met mal et fait chaud un mec à la hauteur. On fait au pire. Alors, même si cette expression est ringarde, on fait la chouille, tu vois. Surtout que. Ça veut dire que la chouille, déjà, t'as 45 ans si tu fais la chouille. D'accord. Si tu fais la ch'touille, c'est que t'as baisé sans capote en général. Ah oui. On est sur de la maladie vénérienne, hein, ça n'a rien à voir. L'herbe est plus verte ailleurs, mais l'autre il parle comme mon papy, quoi, il a 25 ans. C'est ça, c'est le mec le plus jeune de l'équipe, c'est le mec le plus ringard en termes de vocabulaire. Ouais, si elle n'est pas dans son assiette, ben faut qu'elle passe à autre chose. Ça, parce que là c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. David Guetta, c'est le nouveau, c'est sur Fun Radio, ça s'appelle Would I Lie to You. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. À vous offrir dans moins de 5 minutes là. C'est quoi dans moins de 4 minutes? Vous arrivez maintenant, vous ouvrez les yeux, vous dites merde c'est trop tard, non vous avez encore 4 minutes pour envoyer Bruno par SMS au 74 900, vous allez être vite fixé. Je vous appelle dans 4 minutes chez vous en direct si vous avez été tiré au sort, vous répondez, vous gagnez 1000 euros cash et les 1000 euros partent aujourd'hui. Ils partent aujourd'hui par Chronopost, d'accord? Bruno par SMS 74 900, dernière ligne droite là, vous avez le temps du JPI. No. sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal, l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, il demande un pain au chocolat dans une boulangerie du Sud-Ouest et repart avec un pain dans la gueule. Automobile, le salon de l'automobile a fermé ses portes ce week-end. Médias, malgré les contestations des autres journalistes, aujourd'hui Jean-Marc Morandini fera sa première émission sur iTélé. Ouais, ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu être engagé sur Gulli. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eminem. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement avec Eminem. Alors, qu'avez-vous prévu pour votre soirée d'anniversaire ? Merci Eminem. Ouais, merci à lui et merci à vous Anthony. La suite. Et pour finir, donnez-lui une suite au Ritz. Elle vous donnera les mètres carrés. Découvrez Stéphane Plazaz. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Dans 4 minutes, 8h du matin, dans 20 minutes, Soprano sera notre invité ce matin. Mais là, tout de suite, nous appelons quelqu'un pour offrir 1000 euros cash. On va le faire tous les jours cette semaine, on est d'accord hein. Tous les matins par, oui, tout à par fait, SMS. Bruno. Voilà, c'est avant 8h du matin. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. Vous êtes en Belgique, vous l'avez envoyé au 63 22. Je vous appelle en direct maintenant. On a fait le tirage au sort. Si vous décrochez, c'est cadeau, c'est pour vous. Ça part en chronopost ce matin. Les 1000 euros arrivent sur votre compte demain. On est d'accord que si c'est sur répondeur, on n'offre pas. Ah, t'as dit qu'il fallait décrocher tout ouais, à l'heure. C'est pour ça qu'on fait avant 8h, pour éviter que vous soyez ou au bureau ou en cours. Allô ? Ça écoute la radio. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est couper la radio, parce que sinon, ça va pas être très agréable. Allô ? Oui ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Aurélien. Bonjour, Fabien. C'est Fabien ou Aurélien ? Aurélien, je crois. Aurélien. Aurélien. Ouais. Aurélien, oui. T'es en direct sur Fun Radio, tu viens de gagner 1000 euros cash. Oui. Bravo! Aurélien, à ta voix, ne me dis rien, mais tu as 16 ans. Non, 24 ans. 24 ans? 27 ouais. Ans, tu habites où? Tu fais quoi dans la vie, Aurélien? Alors, je suis agent de sécurité et j'habite Vesoul. C'est où? Ça se trouve où exactement? Vesoul, c'est dans le 70. Ah, Vesoul! D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, nous te filons ce chèque de 1000 euros, Aurélien. D'accord, ben merci. Eh ben, merci, ravi. Eh ben, il n'y a pas de souci. L'ami, je te copie, camarade. Il ne fait pas trop exprimer la joie en non. Pétage non. De câble, Aurélien. Il est plus dans le. Ben merci. Chacun son truc. Il est agent de sécurité. Ah, il a une réaction d'agent de sécurité. De, ok. Sur, ouais. Merci. Passez avec le chèque de 1000 euros derrière. Je surveille la porte d'entrée. 1000 euros cash, ça part aujourd'hui par Chronopost. Tu lâches chez toi demain, d'accord, mon pote? D'accord, merci, la famille. Eh bien, je te copie. L'ami, merci à toi, en tout cas. Le SAS. Est libéré là, au niveau de la sortie derrière le rayon fruits et légumes, pas de problème. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tout le temps sur la même ligne conductrice. Sécurité. C'est vrai, ils expriment pas les émotions. Dans quelques secondes, Save Me de Parakeet, ça arrive. 8h10, je vais payer de la facture. Et puis, invité ce matin. Soprano qui sera avec nous en direct, à tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 32 28. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 32 28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feuvert, vous n'avez plus que 6 jours pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feuvert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. C'est le début de l'année et Maxime est un peu inquiet. Nouveau lycée, nouveau prof, il se demande s'il va s'en sortir. Surtout que le programme n'a pas l'air simple et qu'il n'a pas fait de trigonométrie depuis 1976. Pas facile pour aider Léa, sa fille. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des cours en petits groupes pour progresser dans les matières clés et optimiser ses méthodes de travail. Rendez-vous dans votre centre Acadomia. Plus d'informations sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20. Prix d'un appel local. Bougez pas, Bruno. Bonjour, bienvenue la famille, c'est lundi, c'est le 17 octobre. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller les amis. Le hashtag Bruno Fun Radio, vous l'utilisez là sur Twitter, notamment si vous voulez faire passer des messages à Soprano. C'est notre invité, il arrive dans un quart d'heure en direct sur Fun. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce lundi, 17 octobre, toute l'info en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Et bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo pour ce lundi, un temps couvert, pluvieux et orageux sur les trois quarts de la France. Quelques éclaircies reviendront par la Manche au cours de la journée pour se généraliser au nord-ouest. La douceur revient en matinée, 9 à 14 degrés. Les températures seront de saison dans l'après-midi, entre 15 et 22 degrés du nord au sud. Direction Florange pour François Hollande. Le président est attendu cet après-midi sur le site des Hauts Fourneaux d'ArcelorMittal en Moselle. Il devrait recevoir un accueil musclé de la part des syndicats. Il rappelle avoir sauvé le site et évité un plan social malgré la fermeture des hauts fourneaux en 2013. C'est une première. L'armée française a tué un djihadiste français en Syrie, cité dans une enquête sur la préparation d'un attentat. C'était il y a une semaine. Cet homme de 32 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, est soupçonné d'avoir aidé à la préparation d'une attaque finalement déjouée contre une église de Villejuif il y a 2 ans. Vous avez jusqu'à ce soir pour payer votre taxe foncière. Passé ce délai, vous devrez payer des pénalités de retard, sauf si vous avez opté pour le paiement en ligne. Comptez là 5 jours supplémentaires. Objectif, lutter contre l'insécurité routière. La France listera et punira les chauffards qui conduisent sans assurance. Un fichier sera créé dès la fin 2018. Les policiers pourront scanner les plaques d'immatriculation et découvrir en temps réel si l'automobiliste est assuré. Les personnes en infraction seront contactées pour se mettre en règle. En rugby, selon le quotidien L'Équipe ce matin, Dan Carter, l'ouvreur néo-zélandais du Racing 92, ne sera pas inquiété dans l'affaire des corticoïdes. Ses deux coéquipiers devraient connaître le même sort. Le journal sportif affirme que Carter a été blanchi ce samedi. Et puis en foot, une page de 20 ans se tourne à l'OM. Le club sera officiellement vendu aujourd'hui à l'américain Frank Marcourt. Les Olympiens qui ont gagné hier en Ligue 1 1-0 contre Metz. 8h03, vous retrouvez toute l'équipe de Bruno et Soprano bientôt sur Fun. Bruno on Fun Radio. Lundi, c'est le 17 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h03. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio, la famille, première radio dance floor de France. S'il y a Kendrick Lamar, ça va arriver là. Il y aura The Parakeet. Et ce matin, notre pote Sopra va venir. Sorti de l'album de Soprano. Les Brest. Il y a ça aussi dessus. On peut dire que c'est que des tubes. Hein. Ouais, je crois. Alors attention, on n'aura pas ce genre de questions chiantes quand il sera là. Ça, c'est le featuring avec Black M. Non, il est vraiment bien l'album. Bon, il sera avec nous, Sopra, là, dans moins d'un quart d'heure, en direct sur Fun Radio. Pour la petite vanne, quand même, il y a Christina, parce que Sopra, il aime bien avoir un petit yaourt le matin au petit déj, pour bien poser sa voix avec un petit thé, ce qui est normal. Christina lui a acheté des yaourts samedi, ils sont tous périmés. Mais non. Ah, mais je suis dégoûtée, hein. Non, mais sérieusement, quoi. J'avais acheté des salades de fruits, elles étaient périmées depuis le 3 voilà. octobre. C'est-à-dire que ce matin, si je chante, s'il chante, je suis en feu, ce sera peut-être pas pour les mêmes raisons que dans la chanson. J'ai la chiasse, j'ai chaud. Non, mais attends, c'est abusé quand même. de vendre des produits périmés, non? Il n'y a, que moi que ça choque. Ah, je suis dégoûtée. Oh, le pauvre, il va se pointer dans l'émission, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On va lui mettre un micro aux toilettes, je crois. C'est ça. On est quand même des enfants. Bon, ben, on aura donc Soprano qui sera avec nous tout à l'heure. Je m'excuse à l'avance hein, auprès de Soprano. J'imagine déjà la version. Le... Oh. Je ne vous en dis pas plus. Bon, Christina est là ce matin. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour, Bruno. Et il y a Loosman. Ouais. Ah. Loosman, c'est notre standardiste. Oui. Loosman, c'est l'homme de la joie. Loosman, c'est l'homme de la fête. Jean-Michel Sourire. Loosman, c'est celui qui est toujours heureux. Loosman, c'est celui quand on arrive le matin à la radio et que tout le monde se check en disant « Ouais, ça, ma gueule, t'as passé un bon week-end et tout, etc. » Loosman, c'est celui qui arrive en disant « Bonjour. » Je te jure, sur ma vie, je l'ai vu ce matin mettre son casque et tout et écrire sur ses feuilles. Je me suis dit « Oulala, vu sa tête. » Je lui dis « Ça s'est mal passé avec tes beaux-parents ?» Il m'a regardé avec ses yeux de, tu sais, le chien de Télé Z. Ouais. Il m'a regardé, il m'a dit, si, si, ça s'est très bien passé. Ah, bah c'est cool alors. La dernière fois où t'as été heureux, Loosman, c'était quand? 95. Ah, et c'était pourquoi? Un mardi, c'était un Noël, je sais pas. D'accord, très bien. Bon, Loosman, donc, Loosman a fait la connaissance avec ses beaux-parents, c'était samedi soir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, bon, alors, historiquement, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, il y a un mois, ma meuf a rencontré mes parents. Et j'ai fait un truc, je me souviens plus quoi, mais elle avait dit, je me vengerai. Ouais. Et du coup, elle s'est vengée. Elle s'est vengée. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de sport, genre, elle va courir. Ouais. Et bah, du coup, vendredi et samedi, comme j'étais là, elle est pas allée courir. Et sa mère lui a fait la réflexion, elle fait, bah, du coup, t'as pas pu aller courir. Ouais. Ce à quoi elle a répondu, t'inquiète pas, c'est Aurélien qui me fait faire mon sport. Oh, gênance. Et du coup, j'ai Ah putain, mais moi je croyais mon sport, oui, que genre t'allais courir avec elle. C'est, ah bah je, pas je, du je... tout. Et là, est-ce que sa mère lui a répondu, tu me prends pour une conne, j'écoute Fun Radio, il est gay. Ou pas. Vu comme il est pâle, les séances de sport, ça dure quoi, 4 secondes. Maman, arrête. Et alors, voilà. Mais, alors, t'étais à côté? Oui, oui, bah, j'étais à côté, du coup j'ai regardé, j'ai fait ça marche. voilà. Bon, et t'as mangé quoi? C'était quoi? Elle t'avait préparé quoi, alors, belle maman? Ah ben non, on était au resto, on était dans une pizzeria. Ah d'accord. Voilà, je me suis mangé ma petite reine. Alors, qui a payé? Alors, justement, j'ai voulu faire le mec genre j'ai sorti ma carte bleue et le père il m'a dit, tu t'assois. Et du coup, j'ai rien payé du tout. C'est genre. Il l'a dit avec ses doigts, tu t'assois? Ouais. D'accord. Oui, mais est-ce que t'as sorti ta carte comme on peut le faire parfois quand on n'a pas vraiment envie de payer? C'est-à-dire bien que sûr. Tu la sors, mais t'attends quoi. Et est-ce que t'as sorti ta teub pour faire rire? Pour faire rire les convives? Non. Là, tu peux marquer des points. Non. Et chacun ses questions, hein, ça va. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est hyper bien T'avais passé. Ramené des fleurs ou pas à la belle-mère? Ouais, j'ai ramené des fleurs. Elles m'ont coûté cher, mais ça, j'ai ramené des fleurs. Mais ça se dit pas, ça. Oui, Elliot. Vous l'avez sur Facebook, il a mis des photos de canards derrière et tout. Je te jure, il a mis une photo de leurs mains, tu sais, posées l'un et l'autre. Mais non. Et alors, quoi, c'est là où tu te dis que Photoshop, tu vois, a fait long feu, c'est-à-dire que autant la meuf, c'est crédible, mais la main avec les poils, quand même, t'aurais pu. Quitte à faire un Photoshop, fais les mains aussi, quoi. C'est chelou. Ou alors, enlève les poils, tu peux les enlever avec Photoshop, hein, vraiment. C'est à Kendrick Lamar de Greedust. C'est tout de suite, c'est sur Fun Radio. Dans 3 minutes, je paye de la facture. Et dans moins de 10 minutes, avec nous, invité ce matin, Soprano. I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, no, no, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Kendrick Lamar à l'instant sur Fun Radio avec Sia, c'était The Greatest. Soprano arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, aucune trace de Nicole Pervers. Je me suis arrangé pour qu'il ne monte pas dans le studio. Malheureusement, je crois qu'il va, il va passer avant 9h. Ça se trouve, on a réussi à le bloquer. C'est quoi? J'ai dit à l'équipe de Sécu que ce serait bien qu'il monte pas. Parce que je sais que ça le met mal à l'aise, Soprano. C'est pas le même délire, donc voilà. Moi, je pense pas qu'il puisse monter. À moins que, bien sûr. Mais je pense pas non plus. Vous avez dit que ses enfants étaient devenus fans de Nicole Pervers. Mais oui, donc c'est compliqué. Quoi, tu vois. À un moment, tu vois, c'est quelqu'un de posé, Soprano. Moi, j'ai pas envie de lui imposer Nicole Pervers. Moi, je serais Nicole Pervers. Je suis pas Nicole Pervers, mais je serais Nicole Pervers. J'arrive même pas à le dire tellement je suis pas lui. Je viendrai pas. Par respect envers Soprano et toute sa famille, je viendrai pas. Bien sûr. Bah, tu vois, déjà, il lui a pourri toutes ses chansons à Soprano. Ce soir, Nicolas va les toucher. Oh, ah, celui-ci, tu vois, c'était pas passé. Et puis alors, la parodie sur En Feu, le ancien. C'est la goutte, là. Je pense. C'est carrément la goutte. De quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai entendu un gars. Ah, non, bon, très bien. Allez, 8h12, je paye de la facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 8h10 et 7h10 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et on paye les factures qu'on reçoit par mail à facture@funradio.fr ou bien par courrier à Fun Radio. C'est au 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour vous. On va partir, les amis, dans le 89, département de Lyon. Et on part chez Cécilia. Oui, allô? Allô, Cécilia? Oui. Bonjour, Cécilia. Oui, c'est Bruno. Et ben voilà, ça y est, c'est lui. Hein. Bravo. Bravo. Excellent. Comment ça va, ma chérie? Ben, ça va très bien. Cécilia, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 24 ans, mais je suis responsable adjointe dans un commerce. D'accord. Eh. Non, c'est la fin fouille. C'est prévu pour quand? Le mariage, l'année prochaine. C'est quand, l'année prochaine? Le 12 août 2017. D'accord. T'as tout géré, là, ça y est, vous en êtes où? Alors, il nous manque plein de choses encore. T'as le mec, déjà. Est-ce que t'as le mari, déjà? Ah oui, j'ai le mari, ça, bon. C'est sûr. Ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous avez choisi le traiteur? Ah oui, le traiteur, c'est choisi. Ça va? Le DJ, vous avez le DJ? Non, pas encore. Oui, bon, ça, à la rigueur, ça peut arriver après. Vous avez la salle? La salle, on fait ça chez nous dans notre jardin. D'accord, ouais, ouais. Et donc, et la robe de mariée. Et la robe de mariée, ça c'est choisi. Et c'est pour ça que je t'appelle, parce que tu m'as envoyé la facture de la robe de mariée. Oui, Vaché. Je voulais dire, c'est une très très bonne idée de faire ça chez toi, parce que déjà c'est symbolique et ça coûte moins cher. Parce que moi, quand j'ai demandé ma femme en mariage, je me suis dit, ça va être génial, tu mets un an à le préparer et tout. Mais quand tu mets 5 chiffres dans une seule journée, qui disparaît et que ton compte est vide, très vite derrière, après le bonheur, vient le « eh merde ». Voilà. Mais papa et maman avaient aidé un petit peu. Heureusement, papa et maman, et beau papa et belle maman, et aussi les invités. Ouais. En fait, les invités, on avait fait une cagnotte pour le voyage de noces. Ouais. Mais vu qu'on avait un peu trop, on s'en est servi pour payer les trucs. Oh, les enflures. Mais non. Attends, excuse-moi, j'arrête la musique. Parce qu'il reste un peu pour le traiteur. Il faut rendre maintenant, ma chérie. Mais non, mais c'est logique. Alors, t'es en train de me dire que l'argent que j'ai pu mettre dans ton mariage, plutôt que de vous envoyer au soleil, et je me faisais un plaisir de vous imaginer en train de boire des cocktails, ça se trouve, ça a été pour payer... Les canapés, ouais. Et le vin blanc. Ouais, il reste un petit... Je me disais qu'on avait bien bu et bien mangé, ça ressemblait pas à vacher. Donc du bah, coup, bah, c'est nous qui paye. Donc je voulais vous dire merci de m'avoir invité, même pour mon mariage. Bon, Cécilia, ta robe de mariée, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est merci beaucoup. Je te fais des bisous, ma chérie. Merci à vous aussi, merci la famille. Belle journée. Ciao, ciao, Cécilia. Oh, ça fait plaisir. Vraiment, ouais. Ça fait plaisir. Bon, Soprano. Rassurez-moi, vous voulez pas filer les yaourts périmés, vous avez raison. Non, les yaourts, ils sont bons, c'est les salades de fruits qui étaient périmés. Mais ils les mangent pas. Bah non. Je vais aller vérifier quand même. Ouais. Fais gaffe parce que c'est Luzman qui l'a accueilli, donc ça me ferait chier qu'on fasse l'émission direct des urgences. Allez, on revient avec Soprano en direct sur Fun Radio, juste après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic trois lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic trois lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Bon, t'es prête? On y va? Attends, chérie. Je regarde juste un truc sur mon téléphone. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que vous êtes bien assuré chez nous. Nous nous sommes occupés de toutes les formalités auprès de votre assureur précédent. Ah, parfait! En plus, vous venez d'économiser 270 euros. C'est mon appli banque qui va être contente. Je ne vous le fais pas dire. En souscrivant chez Direct Assurance, nos nouveaux clients économisent en moyenne 270 euros pour les mêmes garanties. Ailleurs. Alors, rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours, c'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Soprano. Soprano est en live. Fun Radio. 8h18, c'est Fun Radio, c'est lundi. Applaudissements pour Soprano. Ah, ça fait plaisir. Comment ça, mon poteau? Ça va, comme un bon matin, ça pique. Normal. Ouais, je suis désolé. Le seul vrai problème de cette émission, c'est quoi? C'est que c'est le matin. Exactement. Ah oui, mais c'est bien, ça donne la pêche pour toute la journée après. Mais bien sûr. Surtout que hier, tu t'es couché tard en plus, ça se trouve, t'as regardé le match. Ah oui, j'ai regardé le match. J'étais content, enfin. Gagné, enfin, ouais, comme tu dis. Moi, je me suis dit, je m'étais arrangé, je me dis, voilà. Et franchement, pour l'avenue de Soprano, ce serait bien qu'on ait une victoire de l'Olympique de Marseille. Ah, c'est toi qui nous as porté chance. Mais bien sûr, ils nous ont mis bien. Ah, c'est lui qui a payé, tu veux dire. C'est lui qui a payé. Regarde, t'as vu la Parisien direct. Tiens, hey, tu sais quoi, Sopra, bon, tu vas être avec nous pendant quasi une petite heure, jusqu'à 9h du matin. C'est bien qu'on attaque en parlant de football parce que j'ai un message pour toi. Alors dis-moi tout. J'ai un message pour toi, on l'a enregistré hier. Ouais. Un gars qui s'appelle Blaise Matuidi. Et qui nous a laissé un message exprès pour toi, on l'écoute. Soprano, attention, dimanche, ça va peut-être encore une défaite qui vous attend. Il chauffe. Et bim. Regarde comment il... Oh là là, Blaise, je t'aime bien pourtant, mais là, je peux pas porter ce message sur le cœur. Je peux pas. On verra c'est comment chiant. Ça se passe. C'est chiant quand on a des potes qui sont soit joueurs au Paris Saint-Germain, soit fans du PSG, on a toujours ce genre de petits soucis. Petite question pour ceux qui suivent pas de ouf, ça se joue où le match dimanche prochain? C'est à Paris ou à Marseille? On s'en fout. Ah oui, on s'en fout, ça sera difficile quand même. Voilà. J'espère de tout cœur que ce week-end passe très vite. Ouais. C'est ça. On sait jamais. On sait jamais. Faut passer à la suite, on est d'accord. On sait jamais, on va voir. On va voir. Sopra, nouvel album de Soprano, l'Everest qui sort. Et c'est vrai qu'en mettant les extraits tout à l'heure, bon, en termes de tube... Ça va, il nous a mis bien. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Et alors, il s'habille en quoi, le diable? C'est une très grande question. Chez qui habille, je crois. Il a moins de thunes qu'avant. Si t'écoutes les paroles, c'est ça, justement. Voilà, ça veut dire ça. Bon, je voudrais qu'on revienne plutôt pour attaquer cette émission sur les featuring qu'il y a sur l'album. On écoute. Il y a Marina Kaye. Je parle bien anglais, hein. T'entends derrière? Je vois. C'est toi le mec derrière qui fait qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit, pas compris. Elle a une voix de ouf, cette meuf. Hein. Oh, bah. Et t'as craqué dessus, genre en la voyant à la télé, ou comment ça s'est fait d'ailleurs, ce duo? Je suis super fan d'une chanson qui s'appelle Homeless. Bien sûr. Voilà, quand j'ai appris en plus que c'était une Marseillaise, ça tombait super bien, parce que mon album, je voulais que des feats marseillais à part un. Donc je l'ai appelé direct, elle a kiffé, elle a voulu faire le morceau, on a fait le morceau, voilà, et le donné ce morceau. Le à part un. Mr. Black M. Mec, t'es conscient, enfin il y a que des tubes dedans, tu le sais, hein, c'est. Je sais pas, on verra. En tout cas, il y a beaucoup de morceaux pour que les gens puissent danser, puissent réfléchir. Mais honnêtement, ça fait 4-5 ans maintenant. C'est vrai que tu viens nous voir à peu près une fois par an, toujours avec un nouvel album, avec 1000 tubes dedans. Et tu passes ton année à bosser, tu prends plus de vacances, on est d'accord? C'est ce que je disais à mon équipe tout à l'heure. Ce serait bien de... Non, oui. Je me suis quand même reposé cet été. Un mois, ça faisait longtemps, j'ai pas fait un mois entier. T'es parti en vacances? Je suis parti en vacances avec la famille. J'ai fait un petit road trip à l'Italie. Je prenais la voiture, je m'arrêtais, on s'arrête là. Allez, on continue. On reste deux jours. Ça, j'avais jamais fait ça. Donc ça, excellent. C'est excellent. Cool. Ouais. Ça fait du bien de raquer. Moi, il y a une chanson dans l'album qui m'a fait kiffer. C'est celle qui parle de Rihanna. Au début, si on regarde mal l'album, on pourrait croire que t'as fait un duo avec Rihanna. C'est vrai. Tu vois le nom direct. Mais alors, l'histoire de cette chanson est énorme, en fait. L'histoire, elle part de là. Raconte, Christina, parce que moi, ça m'a fait rire. En fait, t'as une petite fille qui avait 7 ans quand c'est arrivé, donc il y a quelques mois. Tu l'as chopée en train de danser sur Work de Rihanna. Et là, tu lui as fait un scandale parce que tu trouvais ça hyper vulgaire. Ah non, j'étais comme ça. T'imagines, tu es là, tu kiffes la chanson avec ta famille, ta fille, et danse. Et le clip arrive. Donc moi, je suis content, le clip arrive. Je kiffe Rihanna, je suis sûr kiffe Drake. D'un coup, je vois déjà Drake, il a une grosse veste dans une boîte, j'ai pas compris. Il est dans une boîte avec une grosse veste. Ben, le mec avait un peu froid, il est frileux. Bon, voilà, soit. Et d'un coup, je vois Rihanna, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Drake, il est bien content. Drake, son pantalon, il commence à être un peu bizarre. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Rihanna, elle avait pas une grosse veste. Elle avait pas une... Justement, elle avait vraiment rien du tout. Ouais, c'est ça. Et là, d'un coup, tu vois ta fille à côté, elle commence à dire, ah, papa, elle aime bien cette chanson, moi j'aime bien cette chanson, ah, j'aime bien Rihanna, donc je dois faire comme Rihanna. À un moment donné, le nom de Soprano est parti, Saïd est revenu en force. Et j'ai pété les plans, et c'est vrai que la chanson Rihanna, elle est arrivée là. Mais ça ne veut pas dire que je juge les personnes qui kiffent Rihanna, non, ou qui dansent ça. Mais t'as été daron. Ah oui, mais voilà, mon côté daron, il est revenu direct. Elle a 7 ans, quoi. C'est sûr que c'est un peu chaud. Mais c'est ce que j'aime bien chez toi, en fait, Sopra, parce que t'es pas dans le cliché des rappeurs, justement, avec des nanas vulgaires dans les clips. Toi, au contraire, tu détestes ça. Ah ouais, j'arrive. Faut le dire, c'est important, tu vois. Ah ouais, moi, je respecte. Moi, j'ai une sœur, j'ai une mère, j'ai deux filles. Je... Non. Ouais. Voilà. À part dans un feu, on me l'a dit. Oui, mais elles sont pas vulgaires. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Avec Elliot, c'est grâce à Soprano qu'on a appris que les femmes, elles mettaient autre chose que des mini shorts et qu'elles n'avaient pas des voitures. en se trempant les seins. Pour nous, les femmes, ça servait à ça sur Terre. Et Soprano nous a un peu ouvert les yeux. Donc, merci. Et, d'ailleurs, toujours à propos de Rihanna, on t'a préparé un petit quiz. Rihanna. Okay. On va te donner des trucs. Tu vas nous dire si c'est Rihanna ou pas Rihanna. Ah, okay, vas-y. On peut jouer nous aussi ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Alors écoute, elle s'est fait tatouer le portrait du Christ dans le dos. Non, pas Rihanna. Non. Si, non. Non. Non. C'est sur les seins. Non, c'est Renaud qui a fait ça. Tu connais le chanteur Renaud? Oh, le choc. Je m'attendais pas. Rihanna en bikini ou Renaud en slip? Choisissez votre image. Alors une autre. Pas du tout. Dans sa loge, elle exige 24 ailes de poulet à la sauce épicée. Rihanna ou pas Rihanna? Oh. C'est pas Renault, ça c'est sûr. C'est possible, hein. Rihanna, j'irais moi, ouais. Vraiment, ouais. Aussi, exact, ouais, c'est ce qu'elle demande. Tu vois, toi, tu demandes des salades de fruits, d'ailleurs, je m'excuse. Ah, je t'ai acheté des salades de fruits Sopra et elles sont périmées. Et je les ai achetées périmées, elles sont périmées depuis le 3 octobre, merci Monoprix, voilà, je le dis. Voilà, mais je t'excuse, il n'y a aucun problème. Mais attends, le truc, c'est que t'en as pas mangé. Non, t'en as pas mangé. Non. Sûr, ouais. Elle a préservé ma vie quand même. Si avant 9h du matin vous entendez un gars qui se barre en courant, c'est la salade de fruits. Allez, une autre. Elle ne prend pas des bains, elle prend des bains avec de l'eau minérale française. Genre, elle prend pas de l'eau du robinet, mais juste de l'eau minérale française. Non, quand même. Non, c'est pas Rihanna, c'est Mariah Carey. L'eau du robinet, elle est super, hein, moi je trouve. Moins cher. Ah, ouais. Une autre, son vrai prénom, c'est Stéphanie et son nom de famille, c'est Germanota. Rihanna ou pas Rihanna? Non, c'est Lady Gaga. Ça. Exactement. Merci. Ouais, s'il te plaît. Ouais. On est calé. Voilà, il est calé. S'il te plaît. Bon, l'Everest. L'album sort. Pourquoi ce titre? En fait, c'est un titre, c'est une métaphore pour dire le dépassement de soi, d'aller plus loin, d'avoir des objectifs pour aller encore toujours plus loin. Mais là, comment tu vas aller plus loin? Tu remplis des salles. On va parler de la tournée d'ailleurs là pour l'année prochaine. Tous tes titres passent en boucle sur les radios, etc. Plus, ce serait quoi pour Watt? Pour moi, plus. Que ça dure déjà. Ouais, que ça dure et que je puisse continuer à faire ce que j'aime, quoi. De la musique et encore des tournées, des concerts. Mais le but, c'est de toujours avoir un objectif justement pour pas. Tu devrais être conseiller à l'OM. Tu sais quoi? Voilà. Ça marche très bien. Parce que là, l'Everest, ils visent pas l'Everest. Hein. Ils ont du mal à viser des collines déjà. Vous avez pas vu la photo que j'ai postée sur Insta hier ou avant-hier? Non, tu peux faire gaffe. C'est quoi? Hein? T'as été au vélodrome? Non, il y a quelqu'un qui a fait ma pochette en dessin. Ouais. Et de me voir en train de faire la courbe là, comme ah ça. Ouais, une courbe. Voilà, et de l'autre côté, tu voyais. tu voyais François Hollande, le même dessin. Ah. Et tout s'arrêter, c'était la courbe du chômage. Excellent. Les mecs, ils sont partis loin. Ah oui, j'ai vu, ouais, c'est... Ah ouais, fort. Ah, ils sont forts, les mecs. Ils sont... Tiens, il y a Lionel, il est à Montélimar, il a 24 ans, il voulait te poser une question. Bonjour, Yo. Salut. Question pour Soprano. Salut Lionel, ouais. Comment tu vas? Salut Soprano, elle va bien? Elle va bien, cousin. Ah. Je voulais savoir si l'époque des psychiatres de la rime, ça te manque? L'époque tout court. L'époque tout court, hein, comme beaucoup de gens de ma génération, chaque fois on est là, on se remémore des trucs, mais cette époque aussi elle est bien. Et après les psychiatres, on est toujours ensemble. Regarde le morceau Rihanna qu'on écoutait tout à l'heure, c'était avec Alonso. Alonso, on l'entend aussi ici avec Binta. Ouais. On est toujours ensemble, on essaye de toujours être aussi soudés et ça c'est cool quoi. Mais un revival, ça pourrait se faire ou pas? Ça va être un peu compliqué parce que maintenant on est trois, mais c'est possible qu'on sorte un petit projet alternatif, pas un album. Mais quand il y aura des impôts à payer, t'inquiète, ils reviendront. Voilà, l'important, c'est vrai que nous on est cousins par le sang, par le cœur même aussi, donc on est toujours ensemble. Ouais. Bah, Lionel, t'as ta réponse, mon pote, on t'embrasse. Ouais. Merci, ciao. Mon poteau. Bisous, mon chou. Ciao. 32-28, hein, si vous avez des questions à Soprano, et 32-28 pour jouer avec nous. Il y a le jeu des 30 secondes qui va arriver dans quelques secondes. On fait gagner quoi ce matin? On fait gagner un iPad mini. Rappelle-toi, tu avais joué la dernière fois que tu étais venu au jeu des 30 secondes Sopra. Ouais, et j'avais perdu. Mais tu peux rejouer ce matin. Ah, d'accord. Et vous pouvez choisir Soprano si tout vous à voulez. Fait. Restez ici, il y a Soprano qui est notre invité qui chantera aussi en direct là avant 9h du matin. On va revenir juste après les news. A tout de suite. Ce soir, 20h, 22h,

8h34, c'est Fun Radio, invité avec nous ce matin, Soprano. Si tu me vois, yeah, yeah, si tu me vois, yeah. Allez. L'album L'Everest dans les bacs depuis vendredi. Et alors, tour 2017, parce qu'il va y avoir la tournée. Ah ouais. Qui va avec. J'ai vu les... Quand t'as dit tour 2017, je me suis vu avec le maillot jaune, le vélo. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à Amiens le 8 mars, ça va se terminer le 7 octobre à Marseille, au stade Vélodrome. Voilà. Voilà, 7 octobre, Vélodrome à la maison. Et j'ai vu ton sourire, donc ça veut dire que ça te fait plaisir. Bah, bien sûr. Donc, bien sûr. Pour une fois qu'il y a du spectacle au Vélodrome. Oh, ça fait toujours plaisir. Tu rigoles pas, hier, on m'envoyait que des messages comme ça. C'est vrai. J'ai regardé le match, il n'y avait personne au stade. Et tout le monde disait, bon, je crois qu'ils vont être plus pour ton concert que pour le match. De... S'il vous plaît, ne portez pas Guigny. Tu sais que je suis allé voir un match de l'Euro de foot. J'étais allé voir France-Allemagne au Vélodrome. J'étais. Ah, bah, ah ouais, écoute, on a plus. Et tous les. Donc, les gens te reconnaissent forcément. Et tous les gens que je croisais sur le Vieux-Port, c'était alors, bah, ça fait quoi de voir un match où il y a des Français qui gagnent? Vous faire foutre. Ah ouais, les gens, ils ont été mauvais, hein. Ouais. On vous charrie tout le temps, bah bien. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein. On charrie sans raison. Non, en vrai, sans vanne. Marseille, ils sont combien dans le classement? Parce qu'on parle, on parle. Allez, on passe à la suite. Merci, merci. Allez, et les amis, on n'a pas le temps. Jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. N'a pas que ça foutre. Hein. Alan à Valette dans le 44 est avec nous ce matin. Chauffeur routier, il a 20 ans. Applaudissements pour Alan. Alan. Salut Alan. Salut toute l'équipe. Salut Soprano. Salut Alan, ça va bien? Ça va bien et toi? Impec. Tu joues ce matin, Alan, face à Chloé, 18 ans, Le Mans, étudiante en BTS de gestion. Applaudissements pour Chloé. Salut tout le monde, salut Soprano. Salut Chloé. Bon, Alan, Chloé, vous connaissez le principe du jeu des 30 secondes. Vous allez jouer pour repartir ce matin avec un iPad mini, d'accord? Mais cet iPad mini, pour le gagner, il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe ou quelqu'un dans ce studio. Ça veut dire que Soprano peut jouer. Vous pouvez choisir Soprano. Et en 30 secondes, il va falloir, ainsi que la personne de l'équipe qui vous aurait choisi, vous faire deviner un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura le plus de mots repartira avec cet iPad mini. Et l'un de vous deux doit obligatoirement choisir Vacher, qui avait gagné vendredi dernier. Ah, bon, alors donc, bah, comme ça, c'est plus simple. Alan, tu veux jouer avec qui? Avec Vacher. Très bien. Chloé, okay, tu veux Alan. Jouer avec qui? Soprano. Voilà. Ah, t'es dans la merde. on va faire au mieux. Vas-y, t'inquiète pas. Sopra, j'ai confiance en toi. Merci. Et fais gaffe parce que Sopra, si tu gagnes, t'es obligé de revenir demain. Je reviens, y a pas de problème. Tu sais quoi, c'est Vacher qui va commencer. Vacher avec Alan, d'accord. 30 okay. secondes, Alan, pas une minute de plus. D'accord. Est-ce que t'es prêt? T'es avec cette musique, prêt, Vacher, ouais. D'un coup, il est devenu costaud. Non, mais moi, faut savoir que ce jeu, ça me rend fou. Donc à chaque fois, j'ai du stress. Faut plus me parler, s'il vous plaît. T'es prêt? Ok. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est la ville justement dont on parlait dans le sud avec l'équipe de foot qui est mauvaise. Marseille. Ouais. Oh. Un 12 sur 20, par exemple, ça c'est une. Note. Ouais. Quand t'es pas normal dans ta tête, on dit lui, il est complètement. Pareil. Non, il est. Mais vous êtes. Oh oui. Débile, je passe. Non, il est complètement. Débile. C'est aussi putain. C'est aussi au jeu des échecs. Passe. Au jeu des échecs, il y a le nom de ça. C'est un. Un ah. quoi? Un malade, hein? Vacher, c'est un quoi? Mais Vacher, il est fou! C'était un fou! Quoi qui est fou? Pardon, fou. Alors il y a le directeur des programmes de Fun Radio qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de crier, donc je crie pas, c'était un fou, voilà, comme ça je crie pas, comme ça je suis très calme, et puis tu, comme ça on le sait, mais pas comme te faire foutre, je rigole. Je te respecte, c'était un fou, c'était facile, je rigole, je t'aime bien. Combien de points? Deux points. Deux points pour Alan. Mais non, mais c'est nul, on va perdre, quoi. Sopra. C'est pas sûr! Sopra, faut que tu fasses. Au moins deux avec Chloé. Eh, hey, c'est jouable. Chloé, tu comptes sur moi? Ah oui, je compte sur toi. Ah ouais, y'a pas de problème. Allez, vas-y. Est-ce que t'es prêt, Sopra? Je suis prêt. Top chrono, allez. C'est parti. Alors, certains... là, en ce moment, comment ça s'appelle? Les députés, les ministres, ils sont en train de... Ils essayent de devenir président, donc ils sont... En élection. Ouais, mais ils sont des... Des... Ah, comment dire? À la présidentielle, des... Ah, j'ai un fou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Les joueurs de foot, quand ils mettent un t-shirt pour aller sur le terrain, comment ça s'appelle ce t-shirt? Les joueurs. Non, mais le t-shirt qui porte. Je sais pas. Le maillot. C'était candidat. Ah, putain, ouais. Et Chloé, c'est candidat. T'as pas trouvé. Ah, je suis. C'est la pression. C'est pas grave. C'est la pression. Alan, c'est gagné, mon pote. Et tu t'en tiens bien. Bien joué. Bon match. Bon, je tenais à te dire quand même qu'il t'a dit va te faire foutre quand même tout à l'heure. Voilà, c'est il me connaît, il sait que je suis un peu, voilà, que j'ai mon petit tempérament, comme on dit. Mais on reste bon copain, je suis super content que tu gagnes, vraiment. Ouais. On vous embrasse tous les deux, Alan, Chloé. Alan, tu repars avec un iPad mini, on t'embrasse, mon pote. Merci à la famille. Ciao. Bisous mon coquin. Ciao Chloé. Il y a 13 chansons sur l'album L'Everest. T'es pas superstitieux? Ah non, c'est par rapport à Marseille. Bien joué. Ah bah oui. Non, j'ai fait exprès. Il est fort. Attends, j'ai fait exprès. Dès qu'on a commencé, j'ai dit bon, on va faire 13 morceaux dédicaces à Marseille. On va prendre que des featuring marseillais. C'est pas que je suis chevet, hein, quand même. Il y a Black M quand même. Ah ben, heureusement que t'es pas fan de Bordeaux, parce que 33, t'aurais galéré. J'aurais pu les faire même. Non, c'était pour le concept. Alors, Sopra, justement, donc l'album s'appelle L'Everest. On t'a préparé un petit quiz L'Everest. Ouais, qu'est-ce qui est le plus dur? Grimper l'Everest ou... Et je vais te faire des propositions, d'accord? Vas-y. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur? Grimper l'Everest ou supporter le Paris Saint-Germain? Supporter le Paris Saint-Germain. C'est quoi? On montera l'Everest ensemble, mec. Ouais, on est pas ensemble. Voilà, j'aurai un sac à dos, de la bouffe, on va se démerder. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur? Grimper l'Everest ou écouter l'album des frérots de la Vega en entier? Grimper l'Everest. C'est vrai? Oui. T'aimes bien les frérots? Il y a 2-3 chansons, j'aime bien. Hein. Après, j'ai pas écouté tout l'album, je peux pas mentir. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur? Grimper l'Everest ou tenir une journée entière sans recharger la batterie de son iPhone? Très bonne question. Mec, t'es constamment dessus. Ah ouais. C'est une drogue. Tu sais, j'ai failli mettre un 14e morceau qui s'appelle Mon Précieux, où je parlais du téléphone. Mais c'est vrai en plus. Donc, grimper l'Everest. Qu'est-ce qui est le plus dur? Grimper l'Everest ou rencontrer pour la toute première fois le futur premier petit ami de ta fille? Bon, oh merde. Elles sont encore petites, hein, mais... Grimper 3 fois l'Everest. Il va prendre cher, lui. Il est mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène dans Bad Boy où, comment ça s'appelle, Will Smith et Martin, ils sont devant la porte, ils ouvrent la porte, bouteille de Jack à côté, un flingue comme ça, il dit « Alors, tu veux faire quoi ? Je vais voir votre fille. T'es puceau ? Oui. Reste-y. » Ça va être ça. Ah ouais. Très bien, ça va. J'adore. Bon, Sopra, est-ce que tu te sens de chanter un peu ou pas ? Ah, si vous êtes chaud, moi je suis chaud. Ah ben nous, on est chaud bouillasse. On est en feu, ce qui tombe bien, c'est plutôt raccord. J'ai juste, et je suis désolé, Sopra, une mauvaise nouvelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, mais il y a un gars que t'avais déjà rencontré chez nous, que t'avais pas aimé de ouf, il s'appelait Nico le Pervers. Ah non, lui, c'est pas un ami, lui. Mais regarde ce qu'il a fait. Mais tu sais quoi, j'ai honte, j'ose même pas. Je suis un chien, j'ai chaud, le niveau, quoi. Et moi, j'essaye depuis tout à l'heure de pas le faire rentrer dans ce studio. On le bloque à l'entrée. Un message qui me dit. J'ai mon collègue là, il est costaud si tu veux. Voilà, très bien. Tu le bloques. Bon, et ben en tout cas, on a le vrai Sopra qui est avec nous et c'est une bonne nouvelle. On va se faire en feu en live là dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre, avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. L'heure approche pour les Suisses du FC Bâle d'en découdre avec le Paris Saint-Germain. Le 19 octobre à 20h45 précise, retrouvez l'UEFA Champions League avec le choc PSG-FC Bâle en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910, service payant 25 centimes la minute plus prix de l'appel. Le Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le café Senseo en dosette. Ah ça, il adore. Les dosettes et aussi le ticket Leclerc. Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de 48 dosettes plus 6 gratuites de café Senseo variété au choix est à 4,75€, soit 11,39€ le kilo, avec en plus 50% ticket Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Fun Radio. Le son dance floor. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Fun Radio. Lundi, c'est le 17 octobre. Il est avec nous ce matin. Applaudissements pour Soprano. L'album s'appelle L'Everest. Il y a 13 bombes à l'intérieur. L'album est dans les bacs depuis vendredi. Voilà, Soprano qui est désormais incontournable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un truc de ouf. On a écouté des extraits de l'album tout à l'heure. Bon, on va pas te faire revenir à chaque numéro 1 parce que sinon tu vas être là tous les 15 jours, poteau. Ça me dérange pas de revenir, hein, moi, y a pas de problème. Mais tu sais que t'es le bienvenu ici. Avec plaisir. Tu le sais, t'es chez toi. Avec plaisir. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on se fasse un petit live. Ah ouais ? Alors, ça veut dire qu'il faut que tout le monde bouge, tout le monde s'ambiance. Tu peux compter sur nous. Je pense que tu sais pas où t'es tombé. On est quand même chez Bruno dans la radio. Il y a même des auditeurs qui sont venus ce matin et tout ça. On te transforme l'ambiance en boîte de nuit. On peut même faire du jeu de lumière si on veut. On n'a rien à foutre. On te chauffe pas. Hein. Est-ce que vous voulez un petit live de Soprano? Oui. En live tout de suite, Sopra, je suis en feu. En direct chez Bruno, Fun Radio, Soprambava. J'suis en feu. J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis en feu. J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le programme, ce soir j'suis le prince de la ville. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle le paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je danse, tout chef je danse comme au Marcy. J'suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passée, boum dans la lucarne. J'suis en feu. Sors de la piste, je fais le grand écart de bandage. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regarde d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Est-ce que vous êtes chaud? L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stéphane Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi Teddy Riner. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir c'est John Coffey. Je suis en feu. Comme la sœur de... c'est dans la sincère avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme mes trois petits à 6 heures du matin sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez des hublots. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Si tu me parles, fais un vœu. Si tu me touches, fais un vœu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Est-ce que vous êtes toujours à la radio? Ah oui, comme on dit. Le matin, c'est pareil. Hein. Mais oui, le seul mec qui a la possibilité de transformer un studio en boîte de nuit à 9h05. Ça fait du bien. On a fait, Elliot, t'as fait ta gym pour la semaine. Ouais, mon sport pour 10 ans. Moi, je prends une vodka Red Bull, s'il vous plaît. Je vais rentrer là, j'ai de la route. Ah, non, c'est pas bien. Non, c'est pas toi qui conduis. À pied, alors je vais rentrer à pied, j'ai de la route à pied. Bon, Soprano. Alors, je suis désolé de te l'annoncer. On a tout fait pourtant, vraiment. Pour qu'il ne puisse pas rentrer dans ce studio. Mais c'est plus fort que lui. Je crois qu'il doit connaître un peu les vigiles. Je sais pas ce qu'il a avec les comment chansons de Soprano. Je sais pas, je comprends pas. C'est quoi son truc à lui? Oh merde. Ah, ça y est, il est arrivé? Oui. C'est... Il est là. Ça, comment ça? Nico le pervers est rentré dans le studio. Je suis désolé. Ça va, Nico? putain. Bonjour, ça va? Oh là, c'est le mec qui me plagie, c'est ça? Non, c'est le contraire. Comment c'est qu'il s'appelle, Sopranus? Sopranus. Excuse-moi, je clash sec. Moi, je t'adore, mec. J'adore tes mélodies et tout. Je me dis, comment ça se fait que j'adore? Ben parce qu'il me copie en fait. Mais non, c'est toi. Donc, qui copie. En fait, moi je dis je suis un chien dans ma chanson et le mec il copie, il dit je suis un feu. C'est hyper vulgaire. Moi je trouve ça pour les enfants qui écoutent de parler de feu. C'est hyper vulgaire. Alors que moi je parle que de la ken. Moi je croyais que t'allais faire un remix. Je suis chauve. Moi je ne suis pas. Je suis trop fier pour dire que ça m'a fait mal au cœur, donc je vais faire style de rien et je vais effacer les larmes qui coulent sur mon visage et on passe à la suite. Est-ce que, bah, non, et sérieux, Sopra, est-ce que t'as entendu le dernier truc qu'il a fait avec ta chanson ou pas? Je t'explique, j'ai appuyé sur play, j'ai entendu le début, je suis un chien, j'ai stoppé vite parce que je me suis dit, je vais être infecté. Ah, c'est pour ça que t'es pas content. Faut écouter les paroles pour kiffer. Laisse deux secondes. J'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. Fais mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis un chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis un chien. Je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis un chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis un chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. Je recherche un huc, un boule pour le manger, lui mettre des claques. Je suis un chien. Je sais que il y en a un ou deux qui est vulgos. Lequel à votre avis? Celui qui parle de feu ou celui qui parle d'amour avec des meufs qu'il aime? C'est tout ce que j'avais à dire, je voulais éclaircir les choses. Eh bien, merci d'être passé. Je remets mon slip ou je vous le laisse? Non, tu le remets. Pas de problème, amitié soprano, j'adore. Et vivement ta prochaine chanson, frère. Bisous. Applaudissements pour Soprano. L'album c'est est dans les bacs depuis vendredi. L'album s'appelle l'Everest. Voilà, on adore. J'ai peur qu'il parodie le morceau avec Marina Kaye. Mon Everest, qu'est-ce qu'il va dire, mon Everest? Oh mon Dieu. Je n'ose même pas. Le connaissant, on n'est pas sûr de l'Everest. C'est mal de connaître. Hein. Il fait très froid chez lui. Sopra, mon poteau, mille merci d'être venu nous voir ce matin. Ça fait plaisir d'être là. C'est un amour. Voilà, on ira t'applaudir sur scène. Je veux venir au Vélodrome. Ah, mais t'es obligé. Voilà, je te le dis. Mais faut que tu le ramènes lui aussi. Qui voit c'est quoi la vraie ferveur. Voilà, un vrai stade. Qui voit un vrai stade? Voilà. Ah, tu parles d'Eliott, supporter du Paris Saint-Germain. Et c'est pour un de tes concerts, les gens vont supporter, c'est sûr. Mais tu sais, depuis la dernière fois, je te respecte. Hein. Ah ouais, Pour la dernière fois où tu es rentré avec le maillot de l'OM dans le magasin du PSG, je te respecte. Tu m'avais donné un défi, je l'ai relevé. Il l'a fait. Ah oui. Il l'a fait. Il l'a fait. Bon, des bisous, mon Sopra. Mille merci d'être venu ce matin. Merci. On applaudit Sopra. Merci à vous. Allez, les amis, c'est l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Il pousse le bouchon un peu trop loin et se retrouve à quatre pattes aux urgences. Télévision, le zapping de Canal+ pourrait bientôt se retrouver sur France 2. Ouais, bah, quitte à importer des programmes de Canal+ sur la télé publique, j'aurais préféré le journal du Hard. Santé, cette année, la gastro-entérite arrive avec 3 mois d'avance. Ah, c'est chiant. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Anthony Vosovic qui est parti enquêter. Anthony ? Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis donneur d'organes. Ah oui ? Oui, ce week-end, j'ai donné un bras à Apple pour acheter un iPhone 7. Ah bah écoutez, super, il vous reste un rein pour le casque sans fil. À demain pour un nouveau reportage. Et pour finir, ils cachent leur sexe avec des pop-up internet. Découvrez le calendrier des dieux du spam. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Pour Soprano qui est resté, il a assisté au JPI, quoi. C'est ça. Il m'a regardé consterné au milieu, je vous jure. Les amis, dans quelques secondes, de Parakeet, Save Me et le top 3 d'Eliott, les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott. Là, on revient juste après les news. C'est Fun Radio. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie ?

Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Vous arrivez juste maintenant. Bon ben vous ratez notre pote Sopra qui était avec nous. Soprano, il a mis le feu ce matin dans le studio. Oh, le live était énorme. C'était un truc de ouf. Et alors, puisqu'on est en mode poteau, donc Soprano qui était avec nous ce matin, son album est sorti vendredi, demain on a d'autres potes qui viennent. Demain, on n'est pas à l'abri de se marier aussi demain. Demain, entre 8h15 et 9h, invité à nos côtés... Jean Dujardin avec Bruno Salomon. Je pourrais sortir le katana. Pour un pote. Dormir avec des piranhas. Pour un pote. Ouvrir un bas dans le Sahara. Brise 3 est sorti. Il n'y a pas de Brise 2 parce que le Brise 2 il l'a cassé. Ouais. On a eu une Projo, putain, et super VIP, on était que nous, que l'équipe, dans une super salle de cinéma. C'était la classe. Bon, comment vous dire ? C'est-à-dire que le 1, si vous avez trouvé le Brice, le premier barré, c'est-à-dire que là, bah, c'est 100 fois plus barré que le premier. Et pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez vu qu'il est sur YouTube ? De quoi ? Le film. Mais non. Si, je te jure. Oui, mais... Non, on vous met le lien, on vous met le lien. Oui, bah, on vous met le lien. Il est sur YouTube. Allez voir la vidéo. Ah, ok, d'accord. Il y a un petit truc. D'accord, ok, voir, ok. Ouais, bah, voilà. C'est très, très drôle d'ailleurs. Bon, j'ai pas pu venir à la séance parce que voilà, j'ai un bébé qui le paiera un jour, hein, je vous le dis. tout ce qui me fait louper dans ma vie. Mais du coup, j'ai essayé de le regarder sur ce lien. Et effectivement, c'est très drôle. Mais en fait, tu sais, ils se sont fait un délire, Jean Dujardin, James Hutt qui a réalisé le film, etc. Je pense qu'ils avaient beaucoup plus de moyens que dans le premier. Donc, ils se sont dit, OK, au niveau des délires, on a nos limites. Et c'est pas que c'est barré, c'est au-delà. Mais je pleurais, moi, dans la salle de cinéma. Il y a des vannes, tu pleures de rire, vraiment. Ils seront là pour en parler avec nous demain matin. Jean Dujardin et Bruno Salomon passeront la dernière heure avec nous. Mais pour l'instant, c'est le top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Oui, numéro 3, Bruno, l'heure est grave. Moins grave que je l'imaginais parce que quelque chose a disparu de chez McDonald's. Et heureusement, pour moi, ce n'était pas le Big Mac, c'était autre chose. Écoutez. Ah, ça y est, je sais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a déjà un petit peu disparu petit à petit ? Un petit peu petit à petit. Putain, je crois que j'ai compris. Est-ce que c'est pas Ronald ? Ouais, regardez-le partir seul. Oh non. C'est pas Ronald McDonald, les amis. En même temps, c'est vrai qu'il faisait peur aux enfants. Non. Regardez-le, il s'en va. Ronald. Oh, Ronald. Le clown Ronald McDonald avec les Ronald World. Tout ça, c'est parti, c'est fini. Et pourquoi, d'après vous ? Parce qu'aux États-Unis, il y a eu une vague de clowns psychopathes. Et donc, du coup, ils ont décidé de petit à petit enlever Ronald McDonald. Ah. C'est le mec qui a tout construit. Tu sais, c'est ton papy qui a construit l'entreprise et c'est le petit-fils qui fait ouais, mais maintenant, papy, tu dégages. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est dégueulasse, quoi. Tout ça pour être remplacé par quoi ? Jean-Luc Lay, a priori. Ils ont essayé de garder quelque chose qui était proche des enfants aussi. Ronald McDonald. Et c'est vrai que déjà, on le voyait depuis un petit moment. Avant, il était devant les domacs, Ronald McDonald. Oui, il y avait sa statue. Ouais. En honneur à Ronald. Et il avait pas un vrai nez de clown, c'était son nez qui était pas en rouge. Ouais. Mais il faisait peur aux enfants, je crois. Il y a des enfants, alors maintenant, des générations d'avant, c'est des gens qui ont 30 ans maintenant, tu vois. Mais des enfants qui ont eu Ronald à leur anniversaire au McDo. Ronald venait et les félicité. J'ai déjà vu ça du coin de l'œil pendant que j'attendais mes nuggets. Moi, j'ai jamais fait un anniversaire. Il m'a jamais dit bonjour. Alors moi, j'ai pas eu cette chance-là parce que moi, j'avais pas de... Moi, tu sais, le McDo à Saint-Jean-d'Angély, il a été créé il y a 5 ans. Moi, pareil, Bruno. La première fois que je fais un McDo, je devais avoir 17 ans, je pense. Moi, je te jure, bien sûr. Donc, moi, c'était ma maman. Elle essayait de faire comme on voyait à la télé. Elle essayait de me faire des. Elle se déguisait en clown des fois. Et regarde mon petit Bruno. Voilà ton Big Mac. Non, mais elle faisait des hamburgers. Le samedi, elle faisait des hamburgers. Forcément, c'était pas le même. Et elle te faisait une surprise ou pas ? Non. Non, c'était des McDo, mais c'est chiant parce que en fait, toi, tu voulais le truc avec le steak tout sec, etc. Et elle faisait avec du vrai pain, avec un vrai steak. J'avais la bouche beaucoup trop petite. Ouais, t'es le seul enfant qui se plaint d'avoir bien mangé. Quoi. C'est ça. Ouais. Et bah, tu sais quoi, c'est exactement ça, mec. Allez, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, c'est un extrait du Choc des générations. On a posé des questions de vieux à un petit, et là, c'était le drame. Vous allez le voir, écoutez. Alexis. Quelle célèbre série des années 70-80 commencée par ce générique ? Love. Oh. Exciting and new. Come on board. Alexis ? La concierge Samus. Ah, faire ça, c'est quelqu'un qui lui a soufflé mes mal. Est-ce qu'on accepte la concierge s'amuse? Ça, c'est c'était la version érotique d'M6. Je m'en souviens très bien, en 98, la concierge s'amuse. Excellent. Alexis, c'était la croisière s'amuse, mon pote. C'était pas loin. C'était pas loin. Les films à papa. Hein. Ou la version portugaise. Bonjour monsieur, vous avez reçu un colis, commandant. Alors, qui suit Elliot là-dessus? Non, personne. Pas moi. Non. Ok, on te laisse tout seul. Oh, vas-y. T'es tout seul dans ton équipe. Non, mais après, il avait 11 ans. 11 ans, tu connais pas la croisière s'amuse. Ouais, honnêtement, vrai. Moi, je la connais parce que voilà, j'ai un âge avancé. Mais sinon, dans l'équipe, qui suivait la croisière s'amuse? Honnêtement, moi, je connaissais pas. Je suis pas tout jeune, hein, j'ai 30 ans. Mais vous savez qu'il y a plein d'acteurs qui ont débuté dans la croisière s'amuse et des réalisateurs. Tom Hanks. Ses premiers rôles, c'est dans la croisière s'amuse. Ah ouais? Mais bien sûr, tu cherches Tom Hanks croisière s'amuse, tu verras. Mais je crois que ça Steven Spielberg, ça a été un des premiers réalisateurs de la croisière s'amuse. Merci Bruno, grâce à lui, on va passer une super journée à taper Tom Hanks croisière s'amuse sur Google. Tu te fous de nous, non, Tom Spielberg? Mais mec, sur ma vie, tape, vas-y pendant que je parle à Tom Hanks croisière s'amuse. Numéro 1. J'ai regardé un peu, ça passait sur France 3 il y a pas très longtemps. Voilà, avant le truc là, j'ai jamais compris cette émission avec le mec qui faisait qui fait la voix des guignols là, comment il s'appelle? Voilà, ok, alors là je peux vous dire qu'en termes d'explication, avant le truc et le mec qui fait la voix des guignols. C'est pour ça que t'es mon dictionnaire. Yves Lecoq et où ils prennent des artistes qui sont morts il y a 120 ans. Et après la croisière s'amuse, il fait un truc, il est déguisé en commandant et il lance des sketchs sur France 3. Donc c'est pas qu'on s'est écarté du sujet là, c'est qu'on fait une autre émission sur une autre radio avec d'autres animateurs. Bon, allez, numéro 1, c'est Sopra qui est avec nous, là, qui est parti il y a 10 minutes. Exactement, j'ai repris un extrait de son interview. Il parlait de Rihanna. Il nous a raconté un truc de ouf quand il a vu le clip de Rihanna à la télé. Le truc, j'ai réécouté, j'ai pris tout l'extrait et je vous ai mis un petit extrait. Bon. Tu es là, tu kiffes la chanson avec ta famille, ta fille, et danse. Et le clip arrive. Donc moi, je suis content, le clip arrive. Je kiffe Rihanna, je suis sûr kiffe Drake. D'un coup, je vois déjà Drake, il a une grosse veste dans une boîte, j'ai pas compris. Il est dans une boîte avec une grosse veste. Ben, le mec avait un peu froid, il est frileux. Bon, voilà, Et d'un coup, je vois Rihanna, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Drake, il est bien content. Drake, son pantalon, il commence à être un peu bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Rihanna, elle avait pas une grosse veste. Justement, elle avait vraiment rien du tout. Et là, d'un coup, tu vois ta fille à côté, elle commence à dire, ah, papa, elle aime bien cette chanson, moi, j'aime bien cette chanson, ah, j'aime bien Rihanna, donc je dois faire comme Rihanna. À un moment donné, le nom de soprano est parti, Saïd est revenu en force. Et j'ai pété les plombs. Mais il est bien, soprano. C'est vrai, je l'adore. Il est gentil. Ouais. Et puis, alors, tu sais, souvent, je le dis parce que souvent les auditeurs se disent, mais est-ce que le mec, il est aussi gentil au micro que dans la vraie vie? Parce que des fois, il y a des gens, tu sais, en termes d'image, ils font bien à l'antenne et puis hors antenne, ça devient des vrais connards. Lui, il est adorable, vraiment. Bah, il suffit de demander, par exemple, à une auditrice qui était là ce matin, ça vient au micro. Il était cool, soprano? Oh, il était adorable, adorable. Et beau. Il est beau. Mais t'es enceinte. T'es enceinte. Fais attention quand même. Elle est enceinte et elle a dansé comme une folle. J'ai vraiment. À un moment, j'ai vu un pied du bébé qui sortait. Attention. C'est quoi ton prénom? Alexandra. Alexandra, c'est de Maubeuge, c'est ça. Elle fait partie des gens. On le dit souvent. Voilà, on est la seule émission de radio où vous pouvez venir assister si vous voulez. Vous envoyez un mail à christina@funradio.fr. On fait en sorte qu'il y ait pas plus de 6 ou 7 auditeurs pour qu'on ait le temps de passer un peu de temps avec vous. Ça s'est bien passé? T'as kiffé? T'es content d'être venu? C'était génial. Je suis même déçue que ce soit déjà fini, malheureusement. Bon, rhabille-toi maintenant. Allez, on est parti. Gloire au Châtelain. Bonjour les amis, il met le sourire soprano, ça fait du bien. Ouais, ça. Il est fort. Non, il a vraiment la classe. Et ça va être un truc de ouf là. T'imagines, au stade Vélodrome, remplir le stade Vélodrome, ça va être un truc de dingue. Il va jouer à domicile, ça va être ouf. J'y serai. Ouais, mon Mika. Ouais, non, moi je voulais dire, je trouve que personne en a parlé, mais moi j'adore le style de soprano. Il est venu avec son frère, il a quand même un style vestimentaire, mais génial. Ouais. C'était son frère qui était son frère. Bien sûr, son frère. Ah bon, celui qui chante avec lui. Ouais. Non, on le sait pas, nous, il nous dit rien, il représente pas la famille. Les gars, on leur a fait un bisou quand même. Bah moi, vous me demandez, hein. Moi je suis placé. Oh, hein. Et le derrière, c'était le tonton alors. Mais ça, je sais pas, ça, c'est tonton Jean-Luc. En fait, non, mais surtout, Vacher et Elliot, si vous faisiez un truc tout con qu'on fait avec Christina, et vous verrez, ça peut vous aider, on la prépare. L'émission. On bosse. Et du coup, vous verrez en bossant, mais attention, je dis pas ouf, Mais tu vois, vous prenez une demi-heure de votre temps dans la journée, hein, qui se finit là pour vous à 9h15, parce que nous et Christian, on est là jusqu'à 14h. Ah bon? Et ben, prenez cette petite demi-heure pour bosser sur l'émission, vous allez voir, ça peut nous faire gagner un ou deux auditeurs en plus. Mais comment on fait? Alors, pour bosser. On va t'expliquer. Tu vois, par exemple, demain, on a une émission avec Jean Dujardin, on prépare des trucs, bah, participe en fait. Bah, moi, j'ai vu le film, ça va? D'accord. Les amis, moi je l'ai vu à une avant-première. C'est vrai, pour Brise de Nice 1, j'avais fait une blague, il avait rigolé. Ouais, mais là c'est le 3 là. Moi je jouais, ouais. C'est demain que nous reviendrons à partir de 6h. Tout ce qui s'est passé ce matin, vous le retrouvez sur funradio.fr. Il y a les podcasts, l'application Bruno dans la radio, elle est gratuite. Vous la téléchargez, vous pouvez écouter toute l'émission sans la pub et sans la musique. Comme ça, vous bossez la nuit, vous avez besoin, machin, etc. Bah, vous pouvez quand vous voulez. J'ai pas vu le film où il fait des claquettes, c'est grave? Allez, les amis. Artiste, hein. On sera là demain. Je vais le taper. Moi non plus, j'ai pas vu ce film. Il a pas trop marché, de toute façon. Ouais, c'est ça, il paraît. Personne en a parlé. Ah, on fait quoi, on attaque? Vous me déprimez, là, tous, là. Je suis dégoûté, même. Il y a pas de son, ça sert à rien. The Weeknd, Daft Punk, après Mike Perry sur Fun Radio. Bisous, la famille. Ciao. Bisous. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little. Fun Radio. This is the weekend. Salut, c'est Daft Punk. Vous écoutez Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done.